l'argent dans ton main. À pas t'y vais pas, écoute à moi. Si tu continues, ma casse ton rein. Toute la semaine, c'est le même refrain. Dans la case, la pire rien. Pour autant m'y mettre l'argent dans ton main. À pas t'y vais pas, écoute à moi. Si tu continues, ma casse ton rein. Si tu continues, ma casse ton rein. Femme comme pisse, ta femme rasoir. Tu commences les pires d'amour. Oh là là, la chanson de l'homme désespéré. Bonjour Mickaël. Salut Isabelle et Afar, se réveiller la dernière fois de la semaine. Compliqué, hein, les amis, mais on est content de vous retrouver. Sauf si n'avait pas eu travail samedi, dimanche, t'es pour sa zone. Faut penser à ça aussi. Allez, les 5 heures sur la première. Allez, pauvre. Le journal de la rédaction est présenté par Florent Marot. Bonjour Florent. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. C'est la dernière personne à avoir vu Julita vivante fin juillet. Sa petite amie vient d'être mise en examen pour assassinat. Selon un témoin, elle aurait tué sa compagne après une violente dispute au gouffre de l'étang Salé. Les prix en baisse à La Réunion, moins 0,7% au mois d'août selon l'INSEE, grâce surtout aux billets d'avion moins chers. En revanche, se garer à Saint-Pierre coûte plus cher depuis hier. Le nouveau plan de stationnement est entré en vigueur, notamment dans l'hypercentre. Reportage dans ce journal. Et puis le Manapani Festival, c'est ce week-end, une 16e édition, sans surf et sans escalade, mais avec du BMX, du VTT, du skate. On en parle à la fin de cette édition. C'était fin juillet. Julita Bénard disparaît au gouffre de l'étang Salé. Les recherches sur terre et en mer ne donnent rien. Le corps reste introuvable. Seul indice, sa petite amie présente sur les lieux affirme avoir été agressée. Une version qui vient donc de voler en éclats. Un mois et demi après la disparition, la petite amie vient d'être mise en examen pour assassinat. Un témoin aurait assisté à une violente dispute entre les deux femmes. Erwan Poney. C'est la dernière personne à avoir vu Julita Bénard durant cette nuit du 29 au 30 juillet au gouffre de l'étang Salé. Et un mois et demi après la disparition, elle est désormais mise en examen pour assassinat. Hier, en fin d'après-midi, la petite amie de Julita est donc devenue officiellement la principale suspecte de cette affaire. Interpellée mercredi soir, elle avait été placée en garde à vue à la gendarmerie de l'étang Salé avant d'être hier déférée au parquet à Saint-Pierre. Début août, une information judiciaire avait été ouverte pour enlèvement et agression sexuelle. Et des recherches avaient été menées en vain par les gendarmes et la famille dans la zone autour du gouffre pendant plusieurs jours. La petite amie de la victime avait signalé sa disparition aux gendarmes et affirmé avoir été agressée, une version désormais battue en brèche. La famille avait d'ailleurs, depuis le début, émis des doutes sur les affirmations de la jeune femme. Une jeune femme qui est désormais en détention provisoire. Aux assises, un sexagénaire a été condamné hier à 6 ans de prison pour viol. Il aurait abusé entre 97 et 98 d'un membre de sa famille, alors âgé de 11 ans. Aujourd'hui, c'est Jean-Alex Boyer qui sera dans le box des accusés. En 2009, il a tué son père et gravement blessé sa concubine. Selon Jean-Alex Boyer, il n'aurait pas apporté assistance à sa compagne qui avait fait un malaise. Beaucoup de travail hier pour les pompiers à Saint-Paul. 6 hectares sont partis en fumée dans le secteur de l'Éperon. Les gendarmes privilégient la piste volontaire. Il y aurait eu plusieurs départs de feu. Même chose à Saint-Louis où 9 hectares ont brûlé au Gol. Plusieurs maisons ont été menacées mais les pompiers ont réussi à maîtriser l'incendie. Enfin, 10 hectares sont partis en fumée au Piton de Berre. Rien à voir avec l'éruption au volcan qui entre d'ailleurs aujourd'hui dans son 6e jour. Didier Robert est revenu hier dans le JT de Réunion Première sur son soutien à Nicolas Sarkozy pour la primaire des Républicains. Il a expliqué privilégier l'union de la droite et du centre, une union mise à mal par François Fillon. Le président de région n'a pas non plus accepté les récents propos de l'ex-premier ministre sur la colonisation. Politique, toujours, plusieurs sénateurs socialistes étaient dans l'île cette semaine. Une visite de 2 jours pour parler logement, éducation ou encore développement du monde rural. La visite s'est achevée sur l'exploitation Mélissa dans les Hauts-de-Bracanote. Il a été question des aides publiques. Le maire de Saint-Benoît a été présent, Jean-Claude Fruteau, qui se dit particulièrement satisfait. Pour lui, l'important n'est pas de justifier des aides, mais de montrer l'implication et le travail des Réunionnais dans leurs projets. Il ne suffit pas d'une mission sénatoriale pour entraîner des ressources nouvelles. Ce qui est important, ce sont les ressources humaines, je dirais. Et c'est ici ce que nous avons vu. Bien sûr, ils ont reçu des aides un petit peu de l'Europe et de l'État. Ça, c'est normal. Et c'est comme ça dans tous les départements et toutes les régions de France. Il n'y a pas d'agriculture sans aide publique. Donc nous ici, nous n'avons pas non plus à rougir du fait de dépendre pour une certaine partie des aides publiques. Mais il y a surtout des hommes et des femmes qui travaillent et qui font quelque chose à partir de ces aides publiques. Et ça, c'est intéressant de leur dire, de leur montrer. Jean-Claude Fruteau, maire de Saint-Benoît, au micro Réunion Première de Johan Adama Dorassi. Le bien-être, c'était le thème du forum organisé hier par la Maison Relais de Sainte-Rose, une structure qui voulait toucher le public dit vulnérable de la région Est, des personnes en grande précarité, les plus éloignées de l'accès aux soins. La CGSS, SOS Solitude, la Ligue contre le cancer ou encore le SDIS étaient présents. Objectif, venir au plus près de ce public vulnérable, un public qui se déplace difficilement. C'est ce qu'a constaté Françoise Philippe, responsable de la Maison Relais de Sainte-Rose. Le constat, il est simple. Chacun sait que la santé, c'est important. Sauf que quand on a des difficultés financières, parfois, il y a des freins au niveau de l'accès à la santé. Parce que quand bien même à Sainte-Rose, il y a des médecins généralistes, par exemple, pour aller voir des spécialistes, il faut aller sur Saint-Benoît et Saint-André. Ça peut être un frein parce qu'on n'a pas de transport, tout simplement. Parce qu'on n'est pas bien dans sa tête et qu'on a d'autres problématiques, manger, se loger, et puis la santé, on verra ça plus tard. Donc l'idée de cette rencontre, c'est effectivement que les professionnels viennent au plus près du public les informer. Françoise Philippe, responsable de la Maison Relais de Sainte-Rose, au micro Réunion Première de Mélodie Nourry. La manifestation contre la loi travail n'a pas attiré grand monde. Hier, 200 personnes se sont réunies devant la préfecture, seulement la moitié à Saint-Pierre. 5 syndicats appelaient pourtant à la grève pour demander l'abrogation du texte. 5h06 sur la première, la suite du journal Florent Marot. Les prix à la consommation sont en baisse à La Réunion, moins 0,7% au mois d'août selon l'INSEE. Une baisse qui s'explique essentiellement par la diminution des tarifs aériens, même si les prix des produits manufacturés, de l'énergie et de l'alimentation diminuent également. Sur un an, en revanche, les prix augmentent de 0,1% à La Réunion et de 0,2% en France. Les prix qui augmentent aussi à Saint-Pierre, on parle là du stationnement, nouveau zonage, nouveaux tarifs. Depuis hier, le nouveau plan de stationnement est entré en vigueur dans le centre-ville. Dans l'hypercentre, par exemple, le stationnement coûte plus cher, en plus d'être limité dans le temps. Pierre Komorasamy. Plus vous vous approcherez du cœur de ville, plus vous allez devoir payer votre ticket de stationnement plus cher. Christian Lorette, directeur d'Opus, la société chargée de la gestion des parcs maîtres. Au niveau du stationnement payant, deux zones. Une zone rouge limitée à l'hypercentre, donc la rue des Bons Enfants, l'hôtel de ville, notamment le parking de l'hôtel de ville, qui sera un stationnement limité à 2h30. Et une zone verte en périphérie, donc autour plutôt des rues Marius Arrêt Leblon et puis vers le front de mer, où le stationnement sera limité à 8 heures. En zone rouge, il vous faut ainsi débourser 1,20€ de l'heure et la possibilité de stationnement est limitée à 2h30. En zone verte, pour 3€, vous pourrez vous garer pendant 8 heures d'affilée. Une nouvelle organisation qui devrait assurer une meilleure rotation des voitures en stationnement et bénéficier directement aux clients, selon Christian Lorette. L'objectif pour nous n'est pas d'exclure des gens du centre-ville, c'est bien d'accueillir tout le monde, mais ce qu'il faut, c'est que chacun trouve la bonne place. Et on comprend bien que dans un hypercentre où on a besoin d'avoir une vie économique qui fonctionne, on ne peut pas avoir des voitures ventouses garées du matin au soir. Le centre-ville de Saint-Pierre compte en tout 3000 places de parking. Et sur ces 3000 places, 60% sont gratuits. Si vous ne voulez donc pas payer, il suffira juste de vous garer un peu plus loin, en périphérie du cœur de ville. Et le paiement par carte bancaire, l'abonnement ou le dépose minute devrait bientôt être disponible. Le Manapani Festival remet le couvert. La 16e édition a lieu ce week-end, mais ce sera sans le surf à cause de la crise requin. Cela fait 3 ans. Mais la compétition de bloc, elle aussi, est annulée. Les organisateurs ont donc dû innover. Il y aura du BMX, du VTT trial, du roller, du skate et de la trottinette. Côté culturel, un festival des arts urbains avec du graff, du breakdance, du beatbox sera proposé au public. Ziska Khan, Daniel Waro, Soul Jamaica ou encore Graines Semées seront de la partie. Un beau plateau, même si Thomas Meignier, l'organisateur, espère le retour prochain du surf. Ça nous a causé une grosse perte en termes de public. Effectivement, de plus avoir le surf, on a pu, le public était venu pour le surf. On a pu cet attrait international parce qu'on faisait venir quand même des personnes qui venaient d'Afrique du Sud, on a fait venir des personnes qui venaient du Venezuela, on a fait venir des personnes qui venaient d'Hawaï. On a eu quand même des personnes renommées mondialement, internationalement. Donc là, d'avoir toute cette perte de visualisation pour nous, ça nous a beaucoup fait défaut. Ça nous fait défaut et on a envie de, bien sûr, retrouver cet engouement pour le festival et de revoir des nouvelles années arriver bien meilleures que celles d'avant, même si celles d'avant étaient vraiment déjà très incroyables. Thomas Meynier, président des Trois Pics et organisateur du Manapani Festival. Il répondait à Pierre Komorasamy. C'est la fin de ce journal. Place maintenant à l'actualité nationale et internationale. Et on reparle de Nicolas Sarkozy ce matin. Aurélien Tirard. Nicolas Sarkozy en campagne. Le candidat à la primaire de droite était l'invité de la nouvelle émission politique hier soir sur France 2. L'ancien chef de l'État a fait part de ses propositions, comme le service militaire obligatoire pour lutter contre le décrochage scolaire. Ou encore sur les questions économiques, Nicolas Sarkozy insiste sur la nécessité de baisser les impôts pour les classes moyennes, ainsi que les charges sur les entreprises. Il a aussi évoqué la suppression de 300 000 postes de fonctionnaires. 32 personnes toujours en garde a vu cette nuit à l'issue de la dernière journée de manifestation contre la loi travail. En tout, 62 personnes ont été interpellées dans les cortèges, alors qu'entre 78 000 et 170 000 personnes ont manifesté en France, selon les différents chiffres, soit une mobilisation en hausse avant le combat juridique que les syndicats entendent porter contre le texte du gouvernement qui a été promulgué. Le jugement toujours attendu cette nuit en Corse après plus de 12 heures d'audience au tribunal correctionnel de Bastia, appelé à juger les 5 personnes impliqué dans la bagarre à Cisco, en Haute-Corse. Une bagarre d'une grande violence qui avait marqué les esprits en plein cœur des vacances cet été et qui avait nécessité l'intervention de 100 policiers et gendarmes. Le parquet a requis hier soir jusqu'à 2 ans de prison ferme. En ce moment, se tiennent les plaidoiries des avocats. Au total, depuis le début de l'année, 1346 personnes en situation irrégulière ont été reconduites à la frontière depuis la jungle de Calais. C'est ce qu'annonce Bernard Cazeneuve. Le ministre de l'Intérieur indique aussi que l'État cherche à créer 9000 places dans les centres d'accueil et d'orientation. Alors que la trêve est toujours de mise en Syrie, 23 civils ont trouvé la mort dans des raids aériens dans l'Est, dans une ville tenue par Daesh. Et puis ce soir, Washington accuse le régime syrien de bloquer l'aide humanitaire à destination des populations de la ville assiégée d'Alep et menace de ne pas coopérer avec la Russie en cas de violation de cette trêve. 14 milliards de dollars, soit plus de 12 milliards d'euros. Voilà la somme record que réclament les États-Unis à la Deutsche Bank, 8 ans après la crise des subprimes. L'amende devrait être négociée à la baisse par la banque, mais on est tout de même loin des 9 milliards d'euros que la BNP avait dû payer aux autorités américaines pour avoir violé les embargos américains. La soirée d'Europa League de football, un partout entre Mayenne et Saint-Etienne. L'OGC Nice s'incline à l'Alliance Riviera, battu 1-0 par Schalke 04. La journée a réussi aux sportifs tricolores avec ses 7 nouvelles médailles, dont 2 en or pour le camp français aux Jeux Paralympiques de Rio. Le titre pour la paire Stéphane Houdet, Nicolas Pfeffer en finale du double masculin de tennis face aux Britanniques. La médaille d'argent pour Pierre Ferbank en 800 mètres. Salle comblée et foule de stars pour la renaissance de la célèbre salle parisienne l'Élysée-Montmartre. Mathieu Chédid, Jacques Higelin ou Oxmo Puccino ont fait revivre la salle du 18e arrondissement de Paris, ravagée par un incendie, c'était il y a 5 ans. Un temps pluvieux pour ce début de vendredi avec des averses importantes prévues dans le nord du pays. Les températures vont évoluer ce matin entre 7 et 15 degrés. 5h13 sur la première. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Et le ciel, Mickaël, est plus nuageux à l'est. Reste encore un temps la grippe hein, aujourd'hui, avec beaucoup de fraîcheur, du vent sur le département, notamment sur le sud et le nord et l'est. Et puis, beaucoup de nuages à l'est. Il a plu cette nuit. Les chaussées sont mouillées et il pourrait pleuvoir encore en fin de nuit et en début de journée sur le quart sud-est entre Saint-Benoît, et Saint-Philippe, y compris aussi sur le volcan. Mmh. Ailleurs, le ciel sera dégagé avec du soleil qui va s'installer. Puis dans la journée, on aura quand même du soleil, c'est vrai. Même si la couverture nuageuse va s'emparer de l'intérieur, laissant les plus hauts sommets dégagés. Donc normalement, le piton de la Fournaise, avec une éruption qui pourrait être encore visible, enfin il faudra quand même surtout bien s'habiller, puisqu'il va faire encore frais au volcan. On n'attend pas plus de 13 degrés en journée, là-bas du côté du piton de la Fournaise, et sur le littoral, on aura du mal à dépasser les 25-26 degrés. Alors aujourd'hui, vendredi, on peut avoir une petite tendance pour le week-end. Week-end aussi frais, il n'y a pas de changement à ce niveau-là, et plus de vent, certainement en plus pour samedi et dimanche, donc pas vraiment de réel changement. Ce n'est qu'à partir de la semaine prochaine qu'on devrait voir s'amorcer quand quand même un changement de saison, plus ou moins, avec un retour d'une douceur un peu plus importante et certainement la fin de la fraîcheur. Mais pour le moment, c'est encore trop loin. La patience, y guérit, la gale, y ramène la chaleur. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Enfin, il y a intérêt, hein, qu'il fasse un petit peu meilleur. Hein, Mickaël ? Grand matin avec Isabelle Waro et Mickaël Laurette. Tu vois, ouais, t'es là. J'attendais. Ah, toi, si on t'annonce ça, pas, bah oui. Tu causes pas. Ça, bah non, toi. Bah oui, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, j'ai décidé. Aujourd'hui, 16 septembre. C'est toi la philosophe maintenant, Isa. Oui. Oui. Mais c'est, bah oui. Tu as la piqué. La patience guérit la gale. Tu as piqué le moment de gloire à Prisca. Bah enfin, oui. Prisca, elle est un petit peu dans la colle Jacques, hein, parce que sa roue a crevé apparemment. Coucou Prisca. Salut Prisca. Ouais, coucou les amis. Bah oui, ça arrive, c'est juste la vie. Hein. Bah oui. Bon, heureusement, j'étais pas très loin de vous. Donc, du coup, j'ai pris la voiture de service. Tout va bien. Bon, c'est l'essentiel. Rassure tout le monde. Je serai sur le marché des camélias ce matin. J'arrive, préparez mon petit déjeuner, s'il vous plaît. Ah là là, comment il est? Ah là là, bah, cette il commande son petit déjeuner. Hein. Bah ouais, elle s'annonce. Elle s'annonce. Voilà. Priscus. Bah ouais. Priscus des marchés. Eh oui, Priscus. Bon, mais t'inquiète, on t'attend, Priscus, au marché là, des, bon, des camélias. À tout à l'heure, Prisca. Salut, Prisca. 5h15 dans toute la Réunion. Aïe, aïe, mes amis. Vogons sur l'horoscope. Et accueillons Juliette. 16h, 18h, le bon tempo avec David. Ils font la Réunion. Ils ont rendez-vous dans le bon tempo sur Réunion Première. Acteurs du monde culturel. Les artistes de la Réunion à l'honneur. Sportifs, associations, jeunes entrepreneurs, réunionnais du monde. Donc, l'idée, c'est de pouvoir faire se rencontrer. Le rendez-vous détente de votre après-midi. Le bon tempo avec David, du lundi au vendredi, de 16h à 18h sur Réunion Première. Première. Alors, vous nous avez manqué hier, mais oui. Juliette m'a aussi particulièrement manqué. Hein. Ouais. Bon, bah elle est de retour aujourd'hui. Tu crois qu'elle aura remarqué ton absence? Bon, je ne sais pas. Pas tellement, mais bon, c'est on pas grave. Hein. Allez. L'espoir fait vivre. Bonjour Juliette. Bonjour. Bonjour tout le monde. En cette fin de semaine, nous fêtons les Edith. Nous sommes le 16 septembre, c'est vendredi. Peut-être serez-vous en week-end ce soir? Petit chanceux. Tout de suite, voici les prévisions astrales de la première. Bélier, vous avez le marché en main côté professionnel, sachez en tirer quelques profits. Taureau, on vous promet une belle journée aujourd'hui. Gémeaux, n'hésitez pas à demander le soutien d'un ami, là, vous en avez besoin. Cancer, vous maîtrisez totalement un talent, alors servez-vous-en. Lion, excellente entente avec les Vierges au féminin. Justement, Vierge, quelques troubles sont possibles aujourd'hui, mais ne craignez rien, tout rentrera très vite dans l'ordre. Balance, tâchez de rester modeste dans vos projets, tous vos projets. Scorpion, ça marche pour vous et vous croisez les doigts pour que cela continue longtemps. Sagittaire, un peu de dépaysement ne vous ferait pas de mal. Vous avez envie de sortir des sentiers battus. Capricorne, essayez de passer à autre chose. Ce qui vous mine le moral, c'est de l'histoire ancienne. Verseau, pourquoi ne pas vous dire que tout est encore possible? Poisson, n'allez pas dévoiler à plus de monde ce que vous pensez réellement. Excellente journée à tous et à toutes. Mais ça, c'est valable pour tout le monde. Faut faire gaffe quand même. Elle ne casse pas son plan, l'horoscope à Juliette. Hein. Merci Juliette. Je serai ravi de te retrouver lundi. D'ici là, on va à Auteuil. Auteuil. Auteuil pour le tiercé écarté quintet plus du jour. Comme Auteuil, ne y passe. Avec tes conneries, là, du coup, je dis n'importe quoi après. Mais tu peux aller à Auteuil si tu veux. Hein. Auteuil. Bon, allez, on va à Auteuil ou à Auteuil. Allez, c'est parti, c'était l'arrivée hier. Eh oui, il fallait jouer à Auteuil. Le 6, l'As, le 9, Gaffe. Le 11 et le 8. 6, As, 9, 11, 8. Ce soir, eh bien oui, c'est ce soir, puisque nous sommes vendredi, quintet en nocturne. On file à Vincennes. Exactement, si je l'ai bien dit. Pour le prix Ophélia. Il y aura 18 partants, 2850 mètres à parcourir, 5 250 000 euros dans la tirelire. Les pronostics du winner du GIR partenaire Réunion Première, il vous conseille le 12, le 8, le 17, le 13, le 14, le 16, le 2 et le 9. 12, 8, 17, 3, 13, 14, 16, 2 et 9. Et n'oubliez pas, pour que le jeu reste un plaisir, jouons responsable. Et comme chaque matin, on vous propose de petit déjeuner avec nous. Oui. Bon, c'est très simple, hein. Vous prenez votre petit-déj là en ce moment, vous prenez votre smartphone. Oui, prenez une photo. Voilà. Et vous postez ensuite tout ça sur la page Grand Matin. Tout simplement. La page Facebook, ça peut vous rapporter des cadeaux et même une croisière pour deux sur un catapassion. On en reparle après Tatiana, bon décision. Bon réveil. On m'y reconnaît, août l'amour, même si midi pas tous les jours. Août soutien dans mon parcours, ça m'y rappellera toujours. Zandi, faut midi à août, mon prend un autre chemin. S'il te plaît, pas pour moi. Nous là prend le temps pour nous trouver. Et Zordi nous les lier. Les ménages dans son zier, un affaire à la main. Allez même. Son présence m'y veut encore et encore. Tatiana, l'ancienne des Big Girls, à 5h22 dans toute la Réunion. Bon début de journée avec nous. Et puis pour ceux qui se réveillent tout doucement, là, bah, ouvrez les yeux tranquillement et pensez à tout ce qui s'est passé cette semaine dans votre vie. Votre vie est plutôt bien à côté de certaines autres, ça on peut vous l'assurer. Même si parfois il y a de belles surprises dans les vies de chacun et de chacune. Isa, la semaine se termine, on va faire ensemble donc le tour des infos les plus dingues de cette semaine. Ça. D'abord, on va filer au Canada où l'un des meilleurs élèves de l'université de Waterloo est un jeune indonésien de 12 ans. Et ça, c'est vraiment énorme. Il a 12 ans, il s'appelle Diki et il va étudier cette année la physique, prendre en plus des cours de mathématiques, de chimie et d'économie. Alors, le jeune homme est né en Indonésie et c'est le plus jeune étudiant de l'histoire de cette université. Il a appris l'anglais, figurez-vous, en regardant des films à la télé. Comme quoi, ça peut servir. Enfin, en même temps, son petit cerveau est bien rouvert. Oui, c'est ça. Voilà. C'est alors, pas utile à tout le monde. Seuls ses résultats scolaires ont été pris en compte, puisque tout le monde peut passer l'examen pour rentrer dans cette université. Ouais. Bon, généralement, il faut attendre un certain âge pour avoir toutes les connaissances lui, nécessaires. Ans, il les a passés. Mais lui, à 12 ans, eh bien, il a passé les examens. Il a eu d'excellents résultats parmi les meilleurs de cette année. Donc, 12 ans, Diki, l'université, maths, physique, why not. Bah, bravo, Diki. Alors, je vous avais prévenu, il y a aussi des moments un peu plus tordu dans ces moments de la semaine. Pendant ce temps-là, en Inde, un homme se fait retirer 40 couteaux de l'estomac. Eh oui, vous avez bien entendu. Comment ça se passe ? 40 couteaux, c'est ce qu'avait avalé ce monsieur. Alors, accro au fer, selon ses dires. Il est accro, il a envie, il a besoin de bouffer du fer. Ah oui. Alors, une addiction qui, évidemment, l'a mené aux urgences. C'est la première fois, en tout cas, c'est une première pour l'équipe médicale, qui a mis près de 5 heures pour retirer les couteaux de table, des couteaux pliables, couteaux rouillés, à peu près toute qualité de couteaux. C'est une collection particulière qui a été accumulée pendant près de 2 mois. Bah, l'opération, heureusement, s'est bien passée, mais l'homme au couteau, on va l'appeler comme ça, devrait passer par la case soins psychiatriques après sa convalescence. Oui. Il pourrait souffrir d'une maladie, on se souvient notamment de ces personnes qui sont touchées de la maladie de Pica, qui bouffent des éponges, des petits graviers, des trucs comme ça. Bah, il apprendra à manger des lentilles à la case soins psychiatriques. Au moins, il y a du fer aussi là-dedans. Oui. Comment lutter contre les armes à feu? À cette question, au Texas, Attention, au Texas, où la vente d'armes est légale, hein, on a une réponse originale là-bas. Eh bien oui, plutôt que de se balader avec son arme dans son sac, eh bien, amène ton god à l'université. Ton god ? Eh bien oui, c'est tout à fait ça, ton god Miché. C'est un petit peu le message envoyé. Pas la guerre, c'est ce ça. Envoyé au Texas par une association de lutte contre les armes à feu. Alors, tu l'as bien dit, hein. Là-bas, au Texas, chaque étudiant de 21 ans, mais aussi l'intégralité du personnel des campus universitaires du Texas, a le droit de venir bosser avec son pistolet, mais s'assurer simplement qu'il n'est pas visible dans son sac, ni dans, tu vois, dans le pantalon, ce genre de choses. Par contre, si tu emmènes... C'est encore pire qu'il ne soit pas visible. Par contre, si tu marches avec un god... D'accord, et que ça se voit, tu peux avoir un procès-verbal, une amende, etc. Donc ils ont pris un petit peu le contre-pied en disant, ben voilà, mettez des godes au lieu de mettre des armes dans votre sac. Il faut savoir que rien qu'en 2015, 52 écoles ont été victimes de fusillades, donc aux États-Unis. Alors, en quoi un god ça peut être dissuasif? Au lieu d'avoir une arme, t'as un god. Voilà. Écoute, hein, choquons. Le god est une arme aussi, maintenant, on le saura. Oui, une arme du plaisir, donc c'est quand même mieux. Oui. Pourquoi pas, hein. Allez, moi, terminer. Fais pas ta chouchotte. Ah bah non, moi, il n'y a aucun problème, hein, vous savez. Qu'est-ce que t'as dans ton sac? Moi, alors, qu'est-ce que j'ai pas de sac. Ça tombe bien, j'ai pas de sac. On termine avec cette nouvelle histoire. Alors, c'est une très belle histoire. Oh oui. Celle d'un professeur malade. Mm-hmm. Bon, ça, c'est pas marrant, par contre. Hein. Effectivement, il a un cancer. Oui. Mais ses élèves sont prêts à tout pour le soutenir. Eh oui, il s'appelle Ben Ellis. Il est professeur de latin et il est frappé par un cancer, une maladie qui nécessite évidemment un traitement lourd, qu'il force à abandonner, bien sûr, sa classe et ses élèves le temps de son traitement. Alors, le professeur très affaibli a eu la belle surprise un matin de voir tous ses élèves débarquer dans son jardin. Pourquoi faire ? Eh bien, pour lui chanter une chanson. Un beau geste pour une seule raison, lui donner du courage, l'aider à continuer de se battre contre la maladie. Les élèves se sont mobilisés, ont cotisé pour louer un bus pour les conduire chez leur prof. Ils ont mis la vidéo de ce moment sur Internet et c'est un bel hommage à monsieur le professeur qui a été vu 19 millions de fois. Même plus, j'ai été regardé à l'instant, 27 millions. Ah ben voilà. Ça a encore évolué. Hier et aujourd'hui, ça a encore évolué. Alors, un petit moment comme ça, imaginez-vous les élèves devant l'hôpital et le professeur. Dans le jardin du prof. Oui, c'est chez lui. Dans le jardin du prof, effectivement, et le professeur qui chante aussi avec les élèves. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence. C'est bon. Donc c'est très joli, ça nous permet évidemment de lui souhaiter bon courage à ce monsieur, de saluer toutes les personnes qui luttent contre le cancer, contre les familles, et d'embrasser tous ceux qui nous écoutent depuis l'hôpital. Mais quel dommage, ils n'ont pas eu une meilleure note à leur examen qu'ils lui avaient donné juste avant de partir. Bah oui, c'est comme ça. Tu casses le rêve, toi. Allez, il est 5h27 dans toute la Réunion. Bon réveil à tous. Voici Sam Smith avec I'm Not the Only One. A new disease in my town called idiotic. Every pretty lady in my city got it. Point blank, periodic. We empty seats, dining Cipriani's like Beyonce. To getting by or to getting body. So Sasha fears a whole lot of tears. Rolling down her cheeks, crying till she sound asleep. Sleep, preach, preach, pray. That today is not a lonely one. You gotta know you're not the only one. You and me, we made a vow. For better or for worse. I can't believe you let me down. But the proof's in the way it hurts. For months on end, I've had my doubts. In every tear, I wish this would be over now, but I know that I still need you here. You say I'm crazy, 'cause you don't think I know what you've done, but might have had a couple women at the same time. She can't do the pressure, Jack Dean used for breakfast. A cap of Valium mixed with antidepressants. Fresh. My mama said that we need love. Till I found out life's a no prenup. You're on your own. Divorce is a court split. Decisions and choices. The poor shore, the fortress. Ignore it or forfeit. Et enfin, coucou à Sabine du Chaudron, qui souhaite une bonne fête à Edith des Avirons, qui dit Sabine. Bonjour à Danou, c'est ça, hein, si j'ai bien lu sur le message 79 000, à Danio. Danio, ouais, mais bon, j'ai pas les yeux en face des trous. Et c'est dur ce matin. Et on salue Nadine du Guillaume aussi, qui est là parmi nous. Bisous, et à qui Nadine. On a manqué hier. Bon, on est de là, retour. On est là, ben oui, 5h30 sur la première. Et Cécile Thomas est là aussi, normal, c'est l'heure du journal. Bonjour Cécile. Bonjour Isabelle, bonjour Mickaël, bonjour à tous. Il défend son chantier de nouvelles routes du littoral et les carrières qui vont avec. Didier Robert était l'invité du JT hier sur Réunion Première. Pour lui, il faut que des carrières soient exploitées dans l'île, nous l'entendrons. Didier Robert qui soutient Nicolas Sarkozy dans la course à l'Élysée. L'an prochain, on votera pour les présidentielles, pour la présidentielle, et l'ancien chef de l'État souhaite représenter la droite. Retour sur les relations entre les deux hommes avec Sophie Persson. La volaille pays fait sa com, manger local, voilà le message des professionnels de la filière. La part de volaille importée consommée dans l'île est encore importante. Et puis nous parlerons santé avec un forum organisé hier à Sainte-Rose. Un forum pour informer les personnes les plus précaires et donc les plus fragiles. Il faut ouvrir des carrières à La Réunion, c'est une nécessité. En pleine enquête publique sur la carrière de Bois Blanc, Didier Robert n'a pas de doute. Pour la poursuite du chantier de la nouvelle route du littoral et pour ceux à venir, il faut des roches extraites de notre sous-sol. Le président de la région était l'invité du journal télévisé de Réunion Première hier soir. Non, ce n'est pas pour embêter Thierry Robert à Saint-Leu ou pour favoriser les affaires de Jean-Paul Virapoulet à Saint-André. Didier Robert. Le schéma des carrières, il ne date pas de 2010. Il est antérieur à 2010. Et donc ce n'est pas Didier Robert, président de région, qui a pris l'initiative de choisir les sites, que ce soit dans l'Est, à Durée, ou dans le Sud, sur Bois Blanc. Donc il y a aujourd'hui la nécessité de mettre en œuvre des carrières, parce qu'il n'y aura pas d'autre solution, non seulement pour la nouvelle route du littoral, mais également pour tous les autres chantiers que nous aurons à construire dans l'avenir. Didier Robert, le président de la région, répondait à Valérie Filin. Didier Robert qui s'est aussi expliqué sur son soutien à Nicolas Sarkozy pour la primaire primaire qui désignera le candidat de la droite à la prochaine élection présidentielle. De son côté, l'ancien chef de l'État se félicite du ralliement de Didier Robert à sa candidature. Il l'a dit dans un tweet publié mercredi, très heureux de m'appuyer sur le talent de Didier Robert, président de la région Réunion, qui rejoint mon équipe. Pourtant, entre Nicolas Sarkozy et Didier Robert, les rapports n'ont pas toujours été cordiaux. En 2008, Didier Robert avait quitté le groupe UMP à l'Assemblée nationale. Sophie Persson. Didier Robert est député lorsque Nassim Adindar remporte le département en 2008 avec des voix de gauche devant le peu de réaction de l'UMP à Paris. Lui et quelques autres déchirent leurs cartes du parti du président. Pire, Didier Robert et René-Paul Victoria rejoignent carrément le groupe des non-inscrits à l'Assemblée nationale. Une visite du ministre de l'Outre-mer de l'époque, Yves Jégot, est au programme. Les élus de droite, dont Didier Robert, décident de la boycotter. L'ambiance est donc tendue au début du mandat de Nicolas Sarkozy. Puis l'atmosphère se détendra lorsque Didier Robert intègre le bureau national de l'UMP en 2009 et puis aussi lorsqu'il remporte la région en 2010. En 2012, c'est à La Réunion que Nicolas Sarkozy fera son plus mauvais score. Il n'en a donc pas tenu rigueur à Didier Robert qui le soutient désormais pour cette primaire. Dans son équipe, Nicolas Sarkozy a des conseillers, des porte-paroles et puis des orateurs, une trentaine d'orateurs. Et c'est Patrick Caram qui est en charge de l'Outre-mer. Sophie Persson. Vous voulez pas me donner l'heure ? Et les 5h34 dans toute la Réunion, la suite du journal avec Cécile Thomas. Ça va mieux. Retour ce matin sur une visite de sénateurs. Une délégation de sénateurs socialistes était dans l'île durant deux jours cette semaine. Une journée à la découverte de nos villes et une autre à la découverte de nos campagnes pour Catherine Tasca, sénatrice des Yvelines. Cette visite sur l'île a été vraiment révélatrice. Elle souligne l'importance de venir voir sur place les initiatives pour rendre compte à Paris de ce qui est fait ici. Il y a une grande méconnaissance et c'est la raison pour laquelle nous faisons ce type de déplacement pour faire partager notre découverte de ce territoire ultramarin dont nos concitoyens n'ont qu'une idée très lointaine. Et je dois dire qu'il y a souvent une vision extrêmement sombre, négative en tout cas, de ce type de territoire. C'est vrai pour d'autres territoires ultramarins, mais en particulier pour La Réunion. Il y a toujours en fond l'idée d'un territoire assisté, alors que ce que nous découvrons, nous, en venant ici, c'est qu'il y a vraiment cet esprit d'initiative, d'invention, et qu'il y a tout un dynamisme à aider, à appuyer. Catherine Tasca, interrogée par Johan Adama Dorassi. Et localement, un exemple d'initiative justement avec la filière avicole qui communique. Un nouveau logo va apparaître sur les barquettes de volaille pays. Le but est d'inciter les consommateurs à préférer les produits locaux à la volaille importée, Nadine Bachelot. La filière volaille est une filière dynamique qui existe depuis un peu plus de 30 ans à La Réunion. 80% des éleveurs sont situés dans les Hauts-de-l'Île. Cette filière est en plein devenir, selon James Ouarot, producteur à Saint-Joseph et président de l'Association des éleveurs de la volaille de La Réunion. La viande de volaille est une viande très consommée. Elle a encore un potentiel de développement. Vous savez, les Américains consomment plus de 45 kg de volaille par an et par habitant. Nous, on est à 32-36 kg. On a une marge de progression. Mais surtout, on a aussi de la valeur ajoutée dans la transformation de nos produits, puisque ce sont des tendances de consommation qui sont devant nous et qui sont amenées à se développer. Et pour être plus attractive, la filière avicole adopte une nouvelle stratégie. C'est de s'ouvrir et d'ouvrir au maximum les occasions de consommation de la volaille pays sur le territoire. C'est extrêmement important, parce qu'en fait aujourd'hui on a historiquement un canal de distribution avec la grande distribution, mais on a besoin aussi, par rapport à la réalité économique du développement du territoire et de notre métier, de s'ouvrir vers les autres possibilités de consommation. Il est primordial en effet d'avoir d'autres adhésions, du boucher aux collectivités, en passant par les cafés, hôtels, restaurants ou encore les rôtisseurs. Ce label constituera une meilleure visibilité pour le consommateur et valoriser nos produits pays va dans le sens d'une alimentation saine et équilibrée, avec en plus le goût au thé. Un reportage de Nadine Bachelot. Aider les enfants 10 à réussir à l'école, c'est un défi que relève l'école Saint-Charles à Saint-Paul. Les petits dyslexiques, dyspraxiques, dysorthographiques recevront de l'aide dans leur établissement scolaire. Décision prise et actée grâce à la signature d'une convention avec le CMPP, le Centre médico-pédagogique et psychique. Tous les niveaux de l'école primaire sont concernés. François Cuvelier, le vice-président de l'ALEFPA qui gère le CMPP de Saint-Paul. L'idée qu'on a eue, c'était plutôt que de faire venir les jeunes dans nos établissements, il était peut-être plus efficace de les voir, de les accompagner au sein d'une structure enseignante telle que l'ULIS de l'école Saint-Charles. Pour nous, c'est une première à La Réunion, mais l'ALEFPA sur le plan national a déjà signé ce type de convention dans plusieurs régions de métropole. Et pour nous, c'est l'expertise de l'ALEFPA qui est reconnue à travers ce CMPP. Et c'est aussi mettre à disposition donc des jeunes et de leurs parents. Il ne faut pas oublier les parents avec qui on échange beaucoup concernant le suivi de ces jeunes. Ça nous permet une meilleure efficacité, une meilleure proximité pour la prise en charge de ces difficultés. François Cuvelier, le vice-président de l'ALEFPA, répondait à Hubert Debeux. Santé toujours avec un forum organisé hier à Sainte-Rose. La maison relais de la commune invitait les personnes les plus précaires à s'intéresser à leur santé. On sait que souvent, ces personnes négligent leur santé. La CGSS, l'Association réunionnaise de prévention des risques liés à la sexualité, SOS Solitude, la Ligue contre le cancer, encore le SDIS. Au total, 17 acteurs de santé ou de bien-être étaient là pour les accueillir et les informer. Mélodie Nourry. C'est bon. Christine Vidotte est éducatrice spécialisée dans un centre de soins et de prévention en addictologie. Sur son stand, les gens ne font pas que boire ses paroles, ils doivent également participer. C'est très important que quand on intervient auprès d'un public, de favoriser vraiment les échanges d'expériences et de toujours partir finalement de notre connaissance pour venir compléter s'il en a besoin, rectifier aussi des fois parce que le fait que les gens aient la bonne information, il permettra à d'autres d'avoir un comportement qui est beaucoup plus adapté. À 50 ans, Nadine vit depuis 2 ans dans une maison relais à Saint-Pierre. Si elle-même n'a pas de soucis avec la bouteille, ce n'est pas le cas de certains de ses colocataires. Grâce au conseil de Christine, elle voit désormais les choses sous un autre angle. Quotidiennement, c'est très difficile à vivre, mais peut-être être plus à l'écoute des gens, être moins dans le rejet. Car l'objectif de cette journée pour ce public en difficulté, c'était bien de récolter toutes les informations auprès des acteurs de santé qu'ils ne peuvent pas voir en temps normal pour différentes raisons. Régine, de son côté, ne regrette pas d'avoir fait tout le chemin depuis Bois d'Olive. Ça t'intéresse à moi, c'est le monsieur fait tisane parce que on a douleur de dos. puis là dans la main un papier là-dedans pour le cancer. Cancer, diabète. Les participants pouvaient en effet se faire dépister sur place, mais aussi participer à des ateliers de gymnastique ou de sophrologie. Et c'était un reportage de Mélodie Nourry. Eh ben merci, merci Cécile. Allez, retour de l'information à 6h avec Florent Marot. Il est 5h40 sur la première. Michael, le soleil sera bien présent toute la journée, sauf dans l'intérieur et sud nord-ouest. Ouais, alors il faudra se débarrasser des nuages à l'est, hein, qui ont donné des pluies, notamment cette nuit et hier soir. Et puis, globalement, le soleil va revenir. Mmh. Et à nouveau, il va donc être perturbé par des nuages, là, entre Saint-Denis et Saint-Paul, sur les hauteurs. Ils auront tendance à déborder, un peu comme hier, ciel un peu gris, donc cet après-midi, sur ces régions, avec pourquoi pas une ou deux gouttes sur les hauts. Et dans l'intérieur, les cirques, les plaines, normalement, et les contreforts du volcan, on devrait aussi avoir un peu plus de grisaille, voire parfois du brouillard. On est encore en hiver. Mmh. Et plus on montera vers les plus hauts sommets, plus on devrait retrouver du ciel bleu. Donc normalement, au Pas de Bellecombe, on devrait pouvoir voir l'éruption du Piton de la Fournaise, en tout cas par intermittence. L'impression de beau temps dominera sur le reste du littoral, mais du vent qui va souffler encore aujourd'hui, 60-70 km/h, voire un peu moins sur le sud et le nord, ainsi que sur l'est du département. Température toujours aussi fraîche. Et pour le week-end, ça va changer ? Eh bien, la fraîcheur résiste, à nouveau persiste, avec du vent qui va en plus accélérer un peu plus sur le nord et le sud. C'est la semaine prochaine qu'on devrait voir un changement de temps vers le milieu de semaine, avec certainement la fin de la fraîcheur. Mais bon, pour le moment, c'est trop loin et c'est une échéance lointaine. Eh bien, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Parce que vous allez pouvoir vous faire des bonnes soupes. Hein, si vous aimez la soupe, si vous aimez pas la soupe, bah, vous ferez des pot-au-feu. Si vous aimez pas des pot-au-feu, bah, vous ferez des caries. Voilà. Sinon, il y a des bisous. Moi, j'en ai de Clément Dubrulé qui a envoyé son petit message sur le 06 92 70 2000. Merci Clément. Je vous dis ça parce qu'on ira sur le marché dans un instant, du côté des Camélias avec Prisca. À tout de suite. À tout juste de suite. Après le grand projet local. Famille Noir Mélodie. Noir vient. Nous dé ensemble sur Première. Quoi? Le grand matin. Moi nous dé tout le temps, sans mi à gaz des trois. Dans toute cette nous la fait la boire, rien bouge t'es. Si t'es fort, on commence à zéro, moi t'es fait des fois. La confiance ou n'est la boire, rien vous caler. Moi nous dé tout le temps, sans mi à gaz des trois. Dans toute cette nous la fait la boire, rien bouge t'es. Quand m'y pense tout le temps, tout le monde et dit nous dé ou nous la croise trop bonheur. Pas pour ça nous l'arrête, voir à nous, au contraire nous dé ou nous la bien profiter. Après ça nous la fiancée, après même nous la mariée. Nous l'amour t'es plus fort, même si na mauvaise a été pour guetter. La jalousie n'en a pas tout, mais tout ça y atteint pas nous. Quand nous dé tout le temps, sans bien gazer trois. Rien pour jeter. Si t'es faux, on commence à zéro. Moi t'es fait des fois. La confiance on est n'a la point. Rien pour caler. Moi nous t'es tout le temps. Sans bien gazer toi. Dans toute cette nous la fait la point. Rien pour jeter. Si t'es faux, on commence à zéro. Moi t'es fait des fois. La confiance on est n'a la point. Rien pour caler. Dans la point un jour bâton dans nous roule à poumailler. Si t'es pas l'amour, nous t'es fine, fait plaisir, en bande tête commée. Toi tu gardes à nous traverser, toi tu gardes à nous embrasser. Zot larmes y coule, moi les cires, zot y trouve à nous trop amoureux. La jalousie n'en a pas un tout, mais tout ça y atteint pas nous. Prends nous t'es tout le temps, sans bien. Si t'es faux, on commence à zéro, moi t'es fait des fois. La confiance ou n'est n'a la point, rien pour caler. Moi nous t'es tout le temps, sans bien gazer droit. Dans toute cette nous la fait la point, rien pour jeter. Si t'es faux, on commence à zéro, moi t'es fait des fois. La confiance ou n'est n'a la point, rien pour caler. Moi nous t'es Si t'es faux, Famille Mélodie avec nous deux ensemble sur Première, la suite du réveil. Ça arrive dans un instant avec Prisca. Du côté des Camélias ce matin. À tout de suite. Thierry, allons à la plage avec nous demain. Ah désolé, je ne peux pas, je dois aller à la CGSS pour aller récupérer mon attestation de carte vitale. Pas besoin de te déplacer, crée ton compte Amélie et utilise leur service sur amélie.fr. Tu peux imprimer ton attestation de droit, contacter l'assurance maladie par mail, demander ta carte européenne et même télécharger l'appli Amélie. Facile, pratique, plus d'excuses, nous attend à où. Pensez au compte Amélie, votre espace personnel qui vous rend bien des services. L'assurance maladie. Les 23 et 24 septembre prochains, c'est la 7e édition du Festival Kalougang au Parc des Expositions et des Congrès de Saint-Denis. Retrouvez en concert Morgan Heritage, Kalash, Kiltir, Esther Rada. Et venez découvrir le chanteur haïtien Bitova au bass. Toute la programmation et les infos pratiques sont sur kalougang.re. La ville de Petite-Île présente la Journée européenne du patrimoine le samedi 17 septembre de 9h à 17h30. Venez découvrir le patrimoine de la commune dans une chasse au trésor grandeur nature, des ateliers et des concerts. Découvrez les breads comme vous ne les avez jamais vus dans une conférence débat et un concours culinaire. L'après-midi, faites votre marché à l'escale au pays du terroir. La Journée européenne du patrimoine à Petite-Île, c'est le 17 septembre 2016 de 9h à 17h30 au centre-ville et dans les quartiers. Première. As-tu ton panier, Michael ? Non. Bah c'est pas mais grave. Mais c'est pas grave. Bah oui, parce qu'elle a le sien, elle. Bah oui. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Quoique, est-ce que Prisca et sa bazar est qu'un panier ? Ah bah si, il faut quand même. Il faut un panier, il faut une tente et puis il faut surtout son porte-monnaie. Hein, ah oui, oui, il faut pas oublier. Sur le marché. Pas trop lourd non plus. Aujourd'hui. Hein. Comment ? Pas trop lourd le porte-monnaie non plus, ça va, hein, c'est pas trop cher sur le marché. Non, c'est pas cher du tout, n'est-ce pas Nono ? Bonjour. Bonjour Prisca, bonjour La Réunion. Salut Nono. Tous les animateurs et animatrices. Salut Nono. Nono, en train de rendre la monnaie, ça y est, les clients sont arrivés. Ah oui, le premier client depuis 4h du matin, monsieur. Non. Oui. Ok, le war est sur le marché donc. Il est à 1h30 du matin. Oh là là. Et qu'est-ce qu'il y a là ce matin ? Il y a tout ? Il y a tout ce qu'il faut ? Tout est beau, tout est frais. Pour les amateurs de curry, de salade. Il y a des belles salades, il y a des fraises par contre, c'est la bonne saison des fraises. Là. Ouais, j'ai vu juste en face de vous. Pas à côté, il y a beaucoup de fraises, pas chier là. On va goûter aux fraises tout à l'heure. Donc vous vendez de la tomate, de l'ail, de l'oignon. Comment on fait pour vendre, Nono ? Fais-nous une démonstration là. Allez, fais une démonstration. Allez, c'est pour s'échauffer. Il est chaud. Tomate à 1 euro le kilo. 1 euro le kilo ? Tomate en promotion à 2 euros le kilo et tomate cerise en super promotion. D'habitude c'est 2,50 euros, 3 euros. Aujourd'hui c'est 1,50 euros. Ah ouais ? Ah ouais, là on prix imbattable. Prix imbattable. Il y a des rouges, des jaunes et des noirs. Des noirs ? Oui, des tomates cerises noires. Des tomates cerises noires. Super promotion là. 1,50 euros par tête. On l'a vu ça. Et des grosses tomates à 2 euros. Ah là vous l'avez lancé maintenant, Prisca. On l'arrête plus, on l'arrête plus, on l'arrête plus. Ah là oui là. Inspirez. Allez, c'est on va bon, boire un café avec un petit pain au chocolat. Acheté. Bah oui. Et donne Nono, pas les cafés. Hein. Il vous entend, non, mais il a déjà bu son café. Ah, il n'y a pas besoin, Léa. Il a sa petite loupiote. Combien de cafés ? 4 déjà. Ah oui, ça s'entend. Bon, rendez-vous tout à l'heure sur le marché des Camélias. C'est vrai qu'il y a des produits frais parce que j'ai croisé Fabrice. Fabrice qui propose des côtes de blettes de couleur à déguster. Côtes de porc, mais côtes de blettes. Côtes de blettes, hein. Pas blattes, hein, parce que je crois que les blattes, c'est Les cafards. Je ne sais pas si ça a des côtes, les blattes. Allez, trouvez un morceau là-dessus. Ouais. Aïe, aïe, aïe. On parlera de la côte de blettes colorée tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure, bonne Prisca. Heure. Salut, Prisca. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Ah, on a toutes affaires si ce marché forain. On joue ni sur les côtes pour les côtes de blettes, ni pour les blattes. Non. Mais on joue pour des places de concert. Ça, c'est sûr. Non. Allez, c'est parti. Grand matin, le mixeur. Parce que s'il y a pas mal de affaires dans notre grille à cadeaux. Oh, t'es. Et notamment ces places de concert. Oui. Pour aller voir l'événement le 16 octobre prochain. Ça va se dérouler au Petit Stade de l'Est. Ce grand concert enfants illois avec sur scène Cassia, l'Indigo, donc Désiré François, Olivier Arras. 3 heures de concert prévues. Ce sera une grosse soirée et les places sont déjà sur Réunion Première. Elles sont à gagner maintenant. Tout de suite là. DJ Fou, comment il est? Ah oui, j'ai oublié. Il cause plus. Lise, on a fait signe mixé. Deux titres, enfin, tous mixé. Les matins. Mixé. Enfin, il colle bout à bout. Il essaye. Voilà, deux morceaux. Et vous, il faut retrouver qui ça y chante ou c'est quoi le titre de la chanson. Alors, ce qui est bien, c'est que comme DJ Fou mixe pas très bien, on va pas vous demander grand chose. C'est que c'est simple. Hein. Soit les titres, soit les artistes. Et souvent, les titres, ils sont dans la chanson en fait. Faut juste les écouter. Ouais. On écoute. On change ce mixeur. Allez, envoie. C'est le mixeur du 16 septembre. Allez, c'est parti. Parle-moi des Mirabelles et d'un violon. Ah bah facile. Et la voix. Des ailes du chocolat. Parle-moi du bleu du ciel dans un restaurant chinois. Offre-moi du miel au bout de tes doigts. Et des ananas. Chandelier. Et on a tellement entendu ce morceau qu'on en a marre. Allez, oui. Mais c'est pas grave, c'est pour vous faire gagner les cadeaux. 0262 99 2000 maintenant pour gagner vos cadeaux. Allez, appelez les amis. La première voix, elle est... Ah, ça clignote. Super reconnaissable pour la première voix. Oui. Et puis la deuxième, alors c'est un morceau, effectivement, on a trop entendu parler et qu'on en a marre. Ouais. Toute marmaille, t'es chanté en plus. Aïe. Allez, c'est parti, on va sur le standard. Allez. Maintenant, du côté de Saint-Benoît, qu'on va faire un tour. Allô. Salut Saint-Benoît. Salut, c'est qui à l'appareil? Ah bah oui, ça on a compris, mais c'est qui? Comment on m'appelle? Viens pas Jean-François. Ah bah voilà, avec le prénom c'est beaucoup mieux. Jean-François, on fait quoi? On est sur la route? Oui, on est sur la route, ouais, avec Bluetooth, ouais. Pour aller au boulot? Comme tous les matins, ça change pas. Mm. Bah enfin, ce qui est bien Jean-François, c'est qu'on va vous faire gagner maintenant vos places de concert, comme ça, ça va changer un peu la matinée. Ah bah bien sûr, bien pourquoi sûr. Pas. Alors quels sont les deux artistes Jean-François? Ou les deux titres, comme vous voulez. Ah, je vous entends. Les bonnes réponses, c'est quoi, Jean-François? Jean-François. Ouais, alors, entre Jean-François et nous, il y a un grand fossé. Jean-François, mon cher ami... La bonne réponse? Voilà. Très bien. Jean-François, malheureusement... Bah oui, on ne vous entend pas, ça va être compliqué. On va devoir vous laisser. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire un bisou. C'est ce qu'on va faire? Oui. On va écouter rapidement le mixeur du 16 septembre. Voilà. Parle-moi des Mirabelles et d'un violon sur le toit. Donne-moi des ailes et du chocolat. Artiste super connu, il s'appelle... Voilà. Il chante, il fait du cinéma. On va pas vous le dire non plus. Il est venu à La Réunion. Aussi. Son nom, c'est une céréale, d'ailleurs. Et le deuxième? Bah oui, c'est vrai. La deuxième, son nom, c'est comme une marque de voiture. C'est ça. Mais pas tout à fait. Mais il faut enlever la première lettre. Ouais, ça marche moins bien. Qu'est-ce qu'on peut pour vous aider, hein. Allez, c'est parti, on va dégler le standard. Allô? Qui est là? Parlez sans crainte. C'est qui au bout du fil? Oui, c'est vous, bonjour. Salut. Bonjour. Comment vous appelle? Jean de la position. Oui, Jean. De la position. Alors Jean, c'est quoi les bonnes réponses? Bah, la première, c'est l'avoine. Marc Lavoine, la céréale, l'avoine. Et puis... Mais la deuxième, un petit souci. Un petit souci. Mais le titre est dedans. Hein. Elle dit... Chandel. Elle dit quoi? Chandel. Ouais, Jean, on va pas y arriver ce matin. Je vous écoute. Ouais. Elle dit Chandel. Champ de patates, non. Le affaires pour éclairer, mettre la bougie dessus là. Comment il appelle ça? Un champ? Champ de... Un truc qu'on met la bougie, oui, effectivement. Le repose-bougie. C'est un... Le support de la bougie, là. Il tient dans la main pour marche partout, pour éclairer. Bah oui, le... Avec trois... vous savez, les trois... Quatre branches. Mmh. Voilà. Un chandelier, bon, Chandelier. Eh ben voilà, un chandelier. Plutôt, mais bon, c'est pas grave. Dans l'église. Oui, si on veut, dans l'église ou de case, oui, y a pas de ça, c'est pas grave. Le plus important, c'est que vous avez gagné, enfin, vous avez essayé, mais quand même, vous repartez avec vos cadeaux. Bravo, mon cher Jean. Félicitations, deux invitations pour le concert enfants illois. Le 7 octobre au Petit Stade de l'Est, c'est pour vous. Jean. Bien. Bah, c'est nous, on vous remercie. Merci Jean, bonne journée à vous. Bisous. Salut. Allez, bye bye. Et 5h54 dans toute la Réunion, voici les avis de décès. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèques et Complémentaire Santé. Réunion Première vous fait part du décès de Monsieur Duchemin Joseph Étienne. Monsieur Duchemin Joseph Étienne, le décès est survenu hier à l'âge de 63 ans. Le convoi mortuaire sortira de son domicile 81, route de Mara Goyave, à Salazy, aujourd'hui à 14h30. La bénédiction aura lieu en l'église de Salazy à 15h, suivie de l'inhumation au cimetière du même lieu. Décès de Monsieur René Gilbert Alfred. Monsieur René Gilbert Alfred, le décès est survenu hier à l'âge de 74 ans. La date et l'heure des obsèques seront communiquées ultérieurement. Décès de Madame Mascarel, née Barbarin Cécile Thérèse. Madame Mascarel, née Barbarin Cécile Thérèse, le décès est survenu mercredi à l'âge de 80 ans. La veillée aura lieu au centre funéraire de Prima à partir de 14h cet après-midi. La bénédiction aura lieu demain à 10h au centre funéraire de Prima, suivie de l'inhumation au cimetière de l'Étang Salé. Décès de Madame Poun, Sergine Marie-Chantal. Madame Poun, Sergine Marie-Chantal. Le décès est survenu en métropole le 5 août à l'âge de 55 ans. L'urne arrivera à La Réunion demain samedi. Un moment de recueillement et une bénédiction auront lieu au centre funéraire de Bois-Rouge à Sainte-Marie demain à partir de 14h et suivi du dépôt de l'urne au colombarium du cimetière de Bois-Rouge. Décès de Madame Veuve Rajoséphane et Maillot Marie-Paulette. Madame Veuve Rajoséphane et Maillot Marie-Paulette. Le décès est survenu lundi à l'âge de 76 ans. Une veillée a lieu au centre funéraire de Prima. Le convoi mortuaire sortira du centre funéraire aujourd'hui à 14h15. La bénédiction aura lieu en l'église de la Possession à 15h, suivie de l'inhumation au cimetière de la Possession. Décès de Madame Célie, née Govindasamy France. Madame Célie, née Govindasamy France. Le décès est survenu hier à l'âge de 89 ans. La veillée a lieu au domicile au 79 avenue François Mitterrand à Terre Sainte à Saint-Pierre. Le convoi mortuaire sortira de cette adresse aujourd'hui 15h. La bénédiction aura lieu au domicile à 13h. L'inhumation aura lieu ensuite. Décès de Madame Técher Daniel Annie Gisèle. Madame Técher Daniel Annie Gisèle. Le décès est survenu samedi à l'âge de 46 ans. Le discours biblique aura lieu aujourd'hui à 13h30. Suivra la crémation au centre funéraire de Prima. Réunion Première présente aux familles endeuillées ses sincères condoléances. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèques et Complémentaire Santé. Quelques infos pratiques, Michael. Ouais, avec deux infos, une sur les coupures d'eau notamment, mais là c'est plutôt une augmentation de la turbidité de l'eau hein, avec une eau impropre à Saint-Pierre, Bassin-Martin, Bassin-Plein, Cossé-sur-Condé, Ligne-Bambou, Montvert-les-Bas et Piton-Montvert sont concernés. Il est conseillé d'utiliser de l'eau en bouteille ou à défaut de porter à ébullition l'eau du robinet, la faire bouillir pendant 3 minutes avant de la consommer. Vous pouvez quand même utiliser cette eau pour tout usage sanitaire, toilette, WC, lavage. Et puis à Saint-Pierre, coupure d'électricité de 8h à 14h ce jour à Basse-Terre, rue du Stade, mais en partie. Dans 3 minutes, c'est le journal. Avec Florent Marot. Ici là, Sergio Mendes, Match Canada sur Première. Heated like a sauna, penetrating through your body armor. Rhythmically we massage ya, with hip hop mixed up with samba. With samba, so yes, yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. The black eyed peas will keep it funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all, till we get y'all. Say it. Several times, heavy rotation played by every kind. radio station blessing every mind. We cross the boundaries like every day. New Wapping, Bobby, Bobby, being the R and the Bay. We got tab magnifications, tab magnified like every day. So yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. The black of bees will keep the funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all. Till we get y'all, say yeah. Et comme chaque matin à 7h, c'est l'instant Florent Marot. Ah bah oui, c'est Florent, important. Florent, bouge ton body. Faut qu'il soit en forme. C'est bon? Parfait. Et pile 6h sur la première. Mendes. C'est l'heure du journal. Florent Marot, bonjour. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Nicolas Sarkozy pour le service militaire obligatoire. Il l'a dit hier dans la nouvelle émission politique de France 2. L'ancien chef de l'État est en campagne pour la primaire à droite. Et à La Réunion, il est soutenu par Didier Robert, ancien proche de François Fillon. Pourquoi ce changement? Le vrai combat que je mène, c'est celui pour La Réunion et pour l'alternance. Le président de région s'est expliqué hier sur Réunion Première. Julie Tabénard a-t-elle été tuée par sa petite amie? La jeune femme vient en tout cas d'être mise en examen pour assassinat. Un témoin aurait assisté à une violente dispute entre les deux femmes un peu avant la disparition de Julita. La manifestation contre la loi travail n'a pas attiré grand monde. Hier, 200 personnes se sont réunies devant la préfecture à Saint-Denis, seulement la moitié à Saint-Pierre. Et puis en sport, on joue au handball ce soir. 5 matchs au programme, on en parle à la fin de cette édition. Il était hier soir l'invité du journal télé de Réunion Première. Didier Robert est revenu sur sa décision de soutenir pour la primaire des Républicains Nicolas Sarkozy. Un revirement puisque le président de région avait dans un premier temps donné sa confiance à François Fillon. Pour Didier Robert, ce sont les récents propos de l'ancien Premier ministre et sa volonté de faire l'union à droite qui ont fait pencher la balance. Lorsque François Fillon est aussi violent dans ses attaques aujourd'hui à l'encontre de Nicolas Sarkozy, c'est d'ores et déjà une vraie rupture qui est marquée dans le cadre de l'Union et je ne peux pas l'accepter. Je me bats ici à La Réunion et partout pour que l'Union de la droite et du centre soit une réalité parce que ce qui vient de se passer pendant 5 ans avec cette médiocrité qui a été posée par le Parti Socialiste, par le gouvernement, les gouvernements successifs depuis 5 ans, exige aujourd'hui une vraie responsabilité de la part des uns et des autres. Le vrai combat que je mène, c'est celui pour La Réunion et pour l'alternance. Un deuxième élément, très rapidement, si vous me permettez, je ne peux pas tolérer et je ne peux pas accepter que François Fillon s'exprime comme il l'a fait sur la colonisation. Non, la colonisation n'est pas un bienfait. Il y a un respect que l'on doit aujourd'hui au peuple d'Afrique, au peuple d'Asie. Et ici, à La Réunion, bien sûr que je suis profondément français, mais je suis tout autant africain, chinois, indien. C'est ça, La Réunion. Didier Robert, président de région, interrogé par Valérie Filin. Nicolas Sarkozy était, lui, hier soir, l'invité de la nouvelle émission politique de France 2. L'ancien chef de l'État s'est dit pour le service militaire obligatoire pour lutter contre le décrochage scolaire. Il a également proposé de baisser les impôts pour les classes moyennes et les charges pour les entreprises. Il souhaite également supprimer 300 000 postes de fonctionnaires. Politique, toujours avec la visite dans l'île cette semaine de plusieurs sénateurs socialistes. 2 jours pour parler logement, éducation ou encore développement du monde rural. La visite s'est achevée sur l'exploitation Mélissa dans les Hauts-de-Bracanote. Il a été question des aides publiques et de leur impact sur l'activité. Le maire de Saint-Benoît, Jean-Claude Fruteau, était présent, tout comme Olivier Degenman, directeur adjoint de la DAF. L'occasion pour lui de faire un état des lieux de l'agriculture à La Réunion. Incontestablement, l'agriculture se diversifie autour du pilier qui reste naturellement la filière canne et qui est aussi une culture d'avenir et non pas du passé. Donc on fait tout pour que ce pilier soit conservé. Mais on a vu apparaître au cours des dernières années des diversifications réussies tant au niveau de l'élevage que de la production de fruits et légumes. Et toute forme d'agriculture est bonne pour le développement du territoire, pour le développement de l'économie, pour la création de richesses, pour la création d'emplois. D'une manière générale, l'agriculture est également un secteur d'avenir, puisque la fonction première est de nourrir les populations. Donc c'est quelque chose, dans un contexte d'augmentation des populations, où il y a effectivement de l'avenir pour l'agriculture et l'agroalimentaire à La Réunion. Olivier Degenman, directeur adjoint de la DAF, la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, au micro Réunion Première de Johan Adamadorassi. La manifestation contre la loi travail n'a pas attiré grand monde. Hier, 200 personnes se sont réunies devant la préfecture à Saint-Denis, seulement la moitié à Saint-Pierre. 5 syndicats appelés pourtant à la grève pour demander l'abrogation du texte. C'est la dernière personne à avoir vu Julita vivante fin juillet. Sa petite amie vient d'être mise en examen pour assassinat. Selon un témoin, elle aurait poussé sa compagne après une violente dispute au gouffre de l'étang Salé. La jeune femme a été placée en détention provisoire. Aux assises, un sexagénaire a été condamné hier à 6 ans de prison pour viol. Il avait abusé entre 97 et 98 d'un membre de sa famille, alors âgé de 11 ans. Aujourd'hui, c'est Jean-Alex Boyer qui sera dans le box des accusés en 2009 à Sainte-Suzanne. Il a tué son père, blessé gravement sa concubine et un ami de la famille. Selon Jean-Alex Boyer, il n'aurait pas, tous les trois, apporté assistance à sa compagne qui avait fait un malaise. Il comparaît donc pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Nadine Bachelot. Jean-Alex Boyer ne reconnaît aucunement les faits. En tout cas, il est dans le déni total en se prétendant victime de la situation. Ce 25 janvier, il passe toute la journée à la pêche à la cascade Niagara. Une journée pendant laquelle il s'alcoolise à la bière et au rhum. Le quadragénaire serait rentré dans une grosse colère en reprochant son père, sa belle-mère ainsi qu'un ami, Pierre Robert, de ne pas être intervenu pour soigner son épouse qui avait fait un malaise. Marcel, le père, reçoit un coup de couteau à l'épaule. Le mis en cause aurait ensuite agressé sa belle-mère. Son père tente de le désarmer, mais il se fait rouer de coups de pied. Jean-Alex se serait alors saisi d'un sabre pour en asséner des coups sur les mains de son père, avant de frapper également Pierre Robert, présent dans la maison familiale. Le patriarche devait décéder de ses blessures 15 jours après les faits. Jean-Alex a toujours soutenu qu'il était allé chercher le couteau pour se défendre et réfuter les coups porté à son père. L'enquête faisait ressortir une mésentente familiale avec un sentiment de haine féroce du fils vis-à-vis de sa belle-mère dont il n'acceptait pas la présence aux côtés de son père. Et le verdict est attendu dans la journée. Beaucoup de travail hier pour les pompiers. À Saint-Paul, 6 hectares sont partis en fumée dans le secteur de l'Éperon. Les gendarmes privilégient la piste criminelle. Il y aurait eu plusieurs départs de feu. Même chose à Saint-Louis, 9 hectares là-bas ont brûlé au Gol. Plusieurs maisons ont été menacées, mais les pompiers ont réussi à maîtriser l'incendie. Enfin, 10 hectares sont partis en fumée au Piton de Berre. Rien à voir avec l'éruption au volcan qui entre d'ailleurs aujourd'hui dans son 6e jour. 6h06 sur la première. La suite du journal Florent Marot. Les prix à la consommation sont en baisse à La Réunion, moins 0,7% au mois d'août selon l'INSEE. Une baisse qui s'explique essentiellement par la diminution des tarifs aériens, même si les prix des produits manufacturés, de l'énergie et de l'alimentation diminuent également. Direction maintenant Sainte-Rose pour le forum santé de la maison relais de la commune. Hier, c'était la 3e édition, toujours orientée vers le public dit vulnérable, des personnes en grande précarité. Le thème cette année, le bien-être. Les participants ont pu faire de la gym ou encore se détendre grâce à la sophrologie. Christine Vidotte est éducatrice spécialisée à Saint-André. Elle a fait de la consommation d'alcool son cheval de bataille. Nous troll, c'est surtout ça. Au travers des petits ateliers, c'est de montrer à eux, ben, c'est quoi une unité d'alcool, c'est quoi un verre standard, parce que souvent, des fois, quand quelqu'un va venir, va dire, mais moi, m'y bois un verre whisky. Mais peut-être son verre whisky, déjà, c'est par exemple un demi-gobelet plastique qui correspond déjà beaucoup plus que le verre standard de whisky. Donc, c'est permettre à lui vraiment d'évaluer réellement sa consommation. Est-ce que ben, sa consommation jusqu'à l'heure elle est tout à fait normale, ou est-ce que déjà sa consommation est à risque ou est nocive, et peut-être même que l'arrivée à un niveau de dépendance. Le fait que les gens n'aient la bonne information, il permettra à Zot d'avoir un comportement qui est beaucoup plus adapté. Ça ne veut pas dire que va changer tout au tout, mais progressivement, il va commencer à poser des questions. Et ça, c'est déjà un point qui est positif. Christine Vidotte, éducatrice spécialisée au Centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie de Saint-André. Elle répondait à Mélodie Nourry. On termine avec du sport. On joue au handball ce soir. 5 matchs au programme. JS Salines Saint-Pierre à 21h. Et puis à 21h15, JS Panonaise Château-Morange. Joinville reçoit la possession. Le Bois de Nèfle se déplace à la JSB. Puis Saint-Gilles-les-Hauts affronte la Cressonnière dans le choc de cette 5e journée. C'est la fin de ce journal. Place maintenant à l'actualité nationale et internationale. Et ce matin, Aurélien Tirard, notre confrère de France Info, nous emmène en Corse. Le jugement est toujours attendu cette nuit en Corse. Après plus de 12 heures d'audience au tribunal correctionnel de Bastia, les magistrats délibèrent depuis une demi-heure maintenant. 5 personnes sont jugées pour leur implication dans la bagarre à Cisco en Haute-Corse. Une bagarre d'une grande violence qui avait marqué les esprits en plein cœur des vacances cet été et qui avait nécessité l'intervention de 100 policiers et gendarmes. Le parquet a requis hier soir jusqu'à 2 ans de prison ferme. Nicolas Sarkozy en campagne. Le candidat à la primaire de la droite était l'invité de la nouvelle émission politique sur France 2 hier soir. L'ancien chef de l'État a fait part de ses propositions, comme le service militaire obligatoire pour lutter contre le décrochage scolaire, ou encore sur les questions économiques. Nicolas Sarkozy insiste sur la nécessité de baisser les impôts pour les classes moyennes, ainsi que les charges sur les entreprises. Il a aussi évoqué la suppression de 300 000 postes de fonctionnaires. 32 personnes toujours en garde à vue cette nuit à l'issue de la dernière journée de manifestation contre la loi travail, alors qu'entre 78 000 et 170 000 personnes ont manifesté en France, selon les différents chiffres, soit une mobilisation en hausse avant le combat juridique que les syndicats entendent porter contre le texte du gouvernement qui a été promulgué. Au total, depuis le début de l'année, 1346 personnes en situation irrégulière ont été reconduites à la frontière depuis la jungle de Calais. Et c'est ce qu'annonce Bernard Cazeneuve. Le ministre de l'Intérieur indique aussi que l'État cherche à créer 9000 places dans les centres d'accueil et d'orientation. La crise migratoire sera au centre aujourd'hui d'un sommet européen à Bratislava, en Slovaquie. Premier sommet européen sans le Royaume-Uni depuis le vote du Brexit. Un sommet qui s'annonce tendu, hein, puisque par exemple, Luxembourg, membre fondateur de l'UE, demande l'exclusion de la Hongrie pour sa gestion très contestée des réfugiés. Ce sommet aura pour but de relancer le projet européen dans un climat d'euroscepticisme important. 14 milliards de dollars, soit plus de 12 milliards d'euros. Voilà la somme record que réclament les États-Unis à la Deutsche Bank 8 ans après la crise des subprimes. L'amende devrait être négociée à la baisse par la banque, mais on est tout de même loin des 9 milliards d'euros que la BNP avait dû payer aux autorités américaines pour avoir violé les embargos américains. La soirée d'Europa Ligue de football, 1-1 entre Mayenne et Saint-Etienne. L'OGC Nice s'incline à l'Alliance Riviera, battu 1-0 par Schalke 04. 7 nouvelles médailles d'or pour la France aux Jeux Paralympiques de Rio, l'or pour Stéphane Houdet et Nicolas Pfeffer en double tennis fauteuil, un titre aussi pour Romain Noble, Robert Citerne et Yannick Ifebe, et qui se sont imposés face à la Chine en finale de la compétition d'épée par équipe, et puis l'argent pour Pierre Ferbank en 800 mètres. Le début aujourd'hui de la demi-finale de Coupe Davis de tennis entre la France et la Croatie, sans Gaël Monfils et sans Joe Wilfried Tsonga, tous deux forfaits. Un temps pluvieux pour ce début de vendredi, avec des averses importantes prévues dans le nord du pays, de la pluie aussi pour le sud. Les températures, elles vont évoluer entre 7 et 15 degrés ce matin. Il est 6h12 sur la première. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Michael Gris, sauf dans l'ouest. Ouais, c'est gris ce matin sur le sud, sur Saint-Pierre, sur l'est de la Réunion et même sur le chef-lieu Saint-Denis. Ça devrait se dégager normalement au fil des heures puisque l'ouest, pour le moment, donc bénéficie de ciel quand même un petit peu plus éclairci. Les éclaircies vont devenir donc prédominantes sur une bonne partie de la matinée. Puis globalement ensuite, dans l'intérieur, les cirques et les plaines vont s'ennuager. Les hauteurs du nord-ouest entre Saint-Denis et Saint-Paul et quelques débordements possibles sur le littoral avec là aussi une ou deux gouttes qui ne sont pas à exclure. L'impression de beau temps dominera sur le reste du littoral. Au volcan, normalement, on devrait voir l'éruption par moment au piton de la Fournaise. Si vous allez la voir, les températures fraîches ce matin, mais moins fraîches qu'hier quand même. 9 degrés au volcan, 5 à la plaine des Cafres, 19 degrés à Saint-Gilles. En ce moment, ça devrait monter cet après-midi jusqu'à 26 degrés sur le littoral ouest. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. On rejoint Yves Gruyère tout de suite. Prenez la route en toute sécurité avec Total et InfoRoute. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Yves qui nous attend sur le boulevard sud. Bonjour Yves. Bonjour Yves. Bonjour Isabelle, bonjour Mickaël. Oui, encore pour le moment sur la région nord avant de descendre vers l'ouest et le sud de tout à l'heure. La circulation qui se fait plutôt correctement, donc actuellement avec peu de problèmes dans la nuit. Ça restait calme du côté des pompiers. Alors ça devait être un peu chaud sur la route forestière et la route du volcan, donc entre hier soir et une partie de début de soirée vers le début de nuit. Attention donc pour ceux qui rentreraient en ce moment, la fatigue donc peut avoir mauvais effet hein, sur la conduite, notamment sur cette route à lacets. Donc prudence, donc avant de redescendre sur Bourg-Murat. La circulation qui se fait, donc je vous dis d'après normalement, sortie de tranchée couverte pour le début des ralentissements sur la fin de la route des Tamarins, essentiellement jusqu'à Belmen. Après, il y a encore pas mal de zones roulantes. Vous rentrez correctement sur Saint-Denis, ça roule parfaitement sur le boulevard Sud. Attention aujourd'hui, jour de marché au niveau du parking de la Sécu, donc face aux Camélias, avant le retour donc des Cocos. C'est pour normalement... prochainement, c'est pas encore la date de ce retour aux sources justement. Et puis n'oubliez pas qu'aujourd'hui c'est officiellement le départ de la fête de la Salette, donc pendant ces 4 jours aujourd'hui, demain dimanche et lundi surtout le jour de la messe, avec des contraintes surtout dimanche et lundi où la circulation sera déviée à la fois par la rue de la Compagnie des Indes, c'est-à-dire le front de mer si vous circulez du nord vers le sud, et inversement, donc vous circulerez par la rue Général Lambert avec toujours de grosses difficultés pour atteindre au moins l'église. Donc attention à ces contraintes durant tout le week-end. Inforoute vous a été proposé par Total. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Grand matin avec Isabelle Waraud et Mickaël Lorette. Eh oui, ça y est, on est de retour. On vous a peut-être manqué hier ou pas. Hein. Bon, après, c'est pas grave. Nous, ça nous fait plaisir d'être là. Voilà, avec vous. Ce matin, 6h15. Bienvenue à tous et à toutes. Et dans quelques minutes, ah, même pas, 3 minutes, 4 minutes, on va vous offrir de l'argent. Exactement. À mettre dans le porte-monnaie. Oui, ôter un bon d'achat de 20 euros. À dépenser comme vous le souhaitez dans les magasins Espace Fraîcheur. Ça se passe au 02 62 99 000. Mettre d'impôt, pas besoin de mettre sur le compte, c'est bon. 20 voilà. euros, c'est pour Trapper, vous. Trapper, dépenser direct. Fruits, voilà. Légumes, ce que vous voulez, vous achèterez en tout cas de quoi manger. Oui. Surtout au milieu de mois, comme ça c'est un peu c'est difficile ça, de des salade, fois. La salade, des fraises, tomates, cerises noires, ce que vous voulez. Dans les assiettes c'est compliqué. Puis on ira sur le marché aussi, marché des Camélias, il en parlait justement Yves à l'instant avec Prisca qui nous présentera la côte de... De blettes. Blettes, colorées. Important, côte de blettes colorées. Bah, bon. Déjà à côte de blettes c'était chaud, mais alors à côte de blettes colorées, je veux dire... C'est le flou. Ouais, d'ici là, on est les premiers à vous le passer dans Grand Matin. C'est la première fois que vous l'entendez. La gagnante de Kid Créole, Anouchka, avec Pixel, qui revient le 23 septembre avec un nouvel album. Ça s'appelle Mon Étoile. Et le morceau sera sur l'album. La la la la la la la la. Sois là où vont mes pas. Il me faut ta présence. Réponds-moi. J'ai cherché l'amour où il n'était pas. La clé de ma destinée est dans ta poche. Je vois le mal où il n'est pas. Et tu m'aides à rester debout quand c'est dark. J'ai besoin des autres et peur d'être à part. Tu me permets de tenir quand je décroche. Je sais que tu es là quelque part. Si je te perds, c'est de ma faute. Car je combats mes démons. Rien n'est impossible. Et m'y connais maintenant. Mi pecuntili. Je sais que je peux compter sur mon étoile. J'ai rêvé d'aller là-haut, d'aller la voir. Que mon chemin s'éclaire, être sous sa lumière. Et si je suis tête en l'air, c'est pour la voir. Sur toi pour veiller sur moi, je te vois les yeux fermés. Je réalise que tu es partout et tu m'épaules. Et j'avance jusqu'à trouver quel est mon rôle. Auprès de toi, ce chemin me paraît moins long. Et je sais, oui je sais, que je peux compter sur mon étoile. Je sais qu'elle sera toujours là. Juste là avec moi. Je sais que je peux compter sur mon étoile. J'ai rêvé d'aller là-haut, d'aller la voir. Que mon chemin s'éclaire, être sous sa lumière. Et si je suis tête en l'air, c'est pour la voir. La, la, la, la, la, la. Mon étoile. Étoile, c'est une exclue. Grand matin, c'est la première fois que vous l'entendez ici et c'est sur Réunion Première. À la... C'est chou, oh, j'adore. C'est mignon. Cette petite est extraordinaire. En quête de la meilleure voix de l'année, Marmaille, la meilleure voix Marmaille de l'année. Kid Créole revient pour une deuxième saison prochainement. Exactement. Et si vous avez envie d'y inscrire vos enfants jusqu'à 15 ans, vous allez sur www.kidcreole.re. Il vous reste quelques jours seulement. Dépêche, hein, donc, dépêche à vous. Dépêche. Pêche azote. À tout de suite, 6h19 sur Première. Retrouvez les avis de décès tous les jours sur Réunion Première à 5h50, 11h50, 13h50 et 17h50. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèques et Complémentaire Santé. Du 14 au 16 septembre, Réunion Première vous fera suivre le CRC Tour. Une dizaine d'associations, des stands d'information et de nombreuses animations gratuites à l'occasion des 40 ans des caisses réunionnaises complémentaires. Retrouvez-nous de 10h à 12h dans Les Experts, en direct sur Réunion Première Radio, depuis la place du marché de Saint-André, le mercredi 14 septembre. Et lors d'interventions en direct de 9h à 12h, le jeudi 15 septembre à Saint-Joseph-la-Halle. Et le vendredi 16 septembre sur la place de la mairie à Saint-Louis. Réunion Première, le son de l'océan Indien. Réunion Première vous invite pour Enfants Zilois, un grand concert le vendredi 7 octobre au Petit Stade de l'Est. 3 heures de show en live à partir de 20h avec l'Indigo, Désiré François et Cassia. Ça va, Réunion ? Gagnez vos places en jouant tout au long de la journée sur Réunion Première. Première. Allez, si comme Marco par SMS au 70-2000, vous voulez gagner vos 20 euros à valoir chez Espace Fraîcheur, eh bien c'est le moment d'appeler le 0262-99-2000. On appelle et on gagne son argent là pour aller dépenser. Vous pouvez dépenser tout. Il n'y a aucune limite. Bah oui, voilà. Si, 20 euros. Bah oui, c'est ça, oui. La seule limite, c'est l'argent que vous avez dans la poche. 20 euros à valoir chez Espace Fraîcheur, c'est maintenant. Allez, appuie sur un bouton. J'appuie. Pour gagner quelqu'un. Attends, deux secondes, Isa, deux secondes. Ah, je regarde tout ça et on va aller du côté de... Par là. Ah bah oui, c'est mieux, Jean-Pierre. Tiens, ouais, Jean-Pierre, de Grand-Tillette. Bonjour Jean-Pierre. Salut Jean-Pierre. Oui, bonjour. Bonjour La Réunion. Bonjour à vous tous. Ça va Jean-Pierre? Ça, oui, ça va Jean-Pierre. Ça va Jean-Pierre. Doucement, doucement. Ça va très bien, oui. Bon. À la retraite. Oui. C'est ça. Aujourd'hui, on va bricoler. Bon, on va faire un peu de tout, oui. Surtout, on va faire manger aussi. Bon, ben à cause il lève bonheur comme ça, si elle a la retraite, oui, là, bon, Jean-Pierre. Juste. Dors, enfin. Il est réglé, Jean-Pierre. Il est réglé. C'est l'habitude. C'est ça. C'est l'habitude. Ben oui, tu n'as pas les habitudes comme ça, hein. Ah, eh, non. Oui, ben oui. On les garde. Jean-Pierre, félicitations. Les 20 euros, eh bien, sont pour vous à valoir dans les magasins Espace Fraîcheur. Félicitations, Jean-Pierre. Espace Fraîcheur et... Réunion Première. Ben de rien, voilà. Jean-Pierre. Gros on bisous. Est là pour ça. Merci bien. Bon réveil. Salut, Jean-Pierre. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Et Prisca, vous êtes au Camélia ce vendredi. Oui, ça y est, le jour s'est levé. Bon, on regarde vers Saint-André, on voit qu'il y a des nuages. Mais du côté de la montagne, en tout cas, c'est dégagé, comme sur le marché forain des Camélias. On est avec Georges, vous entendez Georges? Mm-hmm. Oui. Le gros poids, pas le petit poids Provence, on n'aura plus. Pour l'instant. Bonne journée. Bonjour Georges. Ah ben il fait son bazar. Hein. Oui, c'est en direct qu'est-ce là. Qu'est-ce qu'elles cherchent ces dames? Petit pois de Provence, mais comme j'en ai plus pour l'instant, ouais. Donc là que la semaine prochaine on aura les petits pois, mais c'est pas les petits pois de Provence. C'est quoi ça, les petits pois de Provence? C'est des petits pois plus sucrés que les gros là. Mm-hmm. Voilà. Et j'ai vu que vous avez aussi ramené du radis blanc. Oui, radis blanc, oui, c'est une nouvelle variété qu'on essaye de faire sortir un peu. Pour... Comme le radis rouge. Comme le radis rouge, même goût, mais un peu moins piquant. Ah, voilà, d'accord. C'est un peu moins piquant, donc c'est bon pour les gens qui aiment parler trop fort. Oui, ça c'est plus ça fort. Déguste pareil, avec une noisette de beurre. Voilà, avec du beurre de micel ou en vinaigrette, tranquille, en apéro, bon, ça passe très bien. Et ça coûte le même prix, au même prix? Même prix, 1 euro la botte. 1 euro la botte, un et vous botte. Avez aussi, de l'autre côté, j'ai vu que monsieur avait ramené du maïs, et ouais. Puis à côté, Jean-Pierre, il a ramené des caramboles. Comment ça se fait qu'il y a des caramboles? C'est des caramboles hors saison, ça? Là-bas, ben, c'est caramboles... Ben, si, c'est la saison, là. Ouais. Il y en a encore. Il y en a encore la saison. Il y en a? Oui. Ben, c'est rare d'en trouver, en tout cas, en ce moment. Pour faire la confiture. Et on va aussi s'intéresser à cette petite fameuse tomate raisin. Ces petites tomates raisins. Tu connais ça, du tout. Michael et Isabelle? Tomate cerise, quoi, oui. Tomate raisin, non? Tomate raisin. Non, longtemps avant, j'ai fait le petit rogail le matin, un petit peu un petit réchauffé. Quelques rogailles tomates avec un œuf frit, et bon, tu manges sur la morue. Mmh. Donc ça ressemble à la tomate grappe, sauf que c'est tout petit. Voilà, c'est des petits raisins longtemps.

Leur prochain album sort le 7 octobre prochain pour tous les fans de One Republic. Ils reviennent avec ce single qui s'appelle Kids. Kids sur première. Et vous êtes rue Ruisseau des Noirs. Il y a toujours ce chantier, on ne peut pas terminer. Les regards remontés, regards d'assainissement, donc autour de ce pâté de maison qui se situe entre au bout de la rue des Manguiers. Donc avec la rue Ruisseau des Noirs, la rue Malartic et la rue Bertin. Donc tout ce tronçon étant les enrobés. Alors normalement l'entreprise a souhaité faire ça de nuit parce qu'il y a vraiment trop de circulation en journée pour pouvoir réaliser ça et faire ce tapis d'enrobé correctement. Donc attention à cette contrainte. Et puis au bout de la rue Ruisseau des Noirs, de l'autre côté du boulevard sud, il y a eu donc ces travaux de traversée de chaussée cette semaine. C'était encore hier la finition. Là, ça va mieux. Trafic correct, donc encore aux entrées de Saint-Denis, sur ce boulevard sud également, pas de problème. Vous rentrez sur Saint-Denis en provenance de l'Est ou de l'Ouest sans contrainte. Les ralentissements se situant toujours en haut du viaduc, après la tranchée couverte. Donc, ça, c'est la fin de la route des Tamarins avant de redescendre sur l'échangeur de Belmaine. Voilà, ce ciel toujours un peu couvert en regardant vers l'Est. C'était une très bonne route, restez prudents. Pour le moment, ça se passe bien. Rendez-vous tout à l'heure, Yves, 6h30 sur la première. Le journal de la rédaction est présenté par Cécile Thomas. Bonjour Cécile. Bonjour à tous. La petite amie de Julita Bénard, mise en examen pour assassinat, peut-être bientôt l'épilogue dans cette affaire. Julita a disparu depuis la fin du mois de juillet. Les recherches ont surtout été menées au gouffre de l'étang Salé, où la jeune femme a été vue pour la dernière fois. Quatorzième journée de mobilisation nationale contre la loi travail. Peu de monde pour manifester à la Réunion, mais l'intersyndicale demande toujours l'abrogation de la loi. Patrick Karam quitte le CREFOM, le président du Conseil représentatif des Français de l'Outre-mer, se lance dans la campagne présidentielle aux côtés de Nicolas Sarkozy. Et puis nous irons à Manapani avec la présentation du Manapani Festival, sans surf et sans escalade cette année, c'est ce week-end. L'enquête sur la disparition de Julita Bénard semble avoir grandement progressé hier avec la mise en examen de sa petite amie, mise en examen pour assassinat. Elle est la dernière à avoir vu Julita Bénard fin juillet. Erwan Poney. C'est la dernière personne à avoir vu Julita Bénard durant cette nuit du 29 au 30 juillet au gouffre de l'étang Salé. Et un mois et demi après la disparition, elle est désormais mise en examen pour assassinat. Hier, en fin d'après-midi, la petite amie de Julita est donc devenue officiellement la principale suspecte de cette affaire. Interpellée mercredi soir, elle avait été placée en garde à vue à la gendarmerie de l'étang Salé avant d'être hier déférée au parquet à Saint-Pierre. Début août, une information judiciaire avait été ouverte pour enlèvement et agression sexuelle. Et des recherches avaient été menées en vain par les gendarmes et la famille dans la zone autour du gouffre pendant plusieurs jours. La petite amie de la victime avait signalé sa disparition aux gendarmes et affirmé avoir été agressée, une version désormais battue en brèche. La famille avait d'ailleurs, depuis le début, émis des doutes sur les affirmations de la jeune femme. Et le corps de Julita Bénard n'a pas été retrouvé. Autre jeune fille recherchée, Charlotte Jouk, est âgée de 21 ans. La gendarmerie de La Réunion a lancé un appel, y compris sur Facebook, pour tenter de la retrouver. Charlotte habite Sainte-Rose. Elle aurait menacé de mettre fin à ses jours. Et puis nos confrères de la presse écrite le rapportent ce matin. Un râlet poussé entre parents d'élèves a tourné au drame jeudi de la semaine dernière. Cela s'est passé devant l'école Les Rubis. Pour régler un conflit entre leurs enfants, les deux papas se sont accrochés à un coup et une riposte. L'un des deux tombe lourdement à terre. Depuis l'altercation, il est hospitalisé. Son état s'est aggravé. Il se trouve dans le coma. Celui qui l'a poussé a été mis en examen et écroué. Journée de mobilisation nationale. Hier, mobilisation contre la loi travail, bien que le texte ait été adopté. 14e journée d'action lancée par 5 syndicats. Mais très faible mobilisation. L'intersyndicale ne change pas de cap. L'abrogation, ni plus ni moins, c'est ce qu'elle continue de réclamer. On écoute son porte-parole, Yvan Ouarraud. L'abrogation de la loi, si elle s'applique, on fera tout. Il y a un travail juridique sur les décrets. Il y a près de centaines de décrets qui sortiront d'ici là. Une veille juridique des organisations syndicales pour trouver les solutions, tout ce qui peut empêcher l'application de cette loi. Et si malgré ça, la loi doit s'appliquer dans les entreprises, c'est prolonger l'unité d'action si possible dans les entreprises pour qu'il n'y ait pas d'accord consécutif à cette loi qui soit signée et appliquée dans l'entreprise. Yvan Ouarraud, porte-parole de l'intersyndicale lors du rassemblement organisé à Saint-Denis hier. Patrick Karam quitte le CREFOM, le Conseil représentatif des Français de l'Outre-mer. Il abandonne son poste de président du Conseil pour se consacrer à la campagne de la présidentielle. Il s'engage aux côtés de Nicolas Sarkozy. Au CREFOM, on lui cherche un remplaçant, Célia Cléry. Dans quelques jours, le CREFOM, le Conseil représentatif des Français de l'Outre-mer, va changer de président. Patrick Karam à sa tête depuis 2014 s'en va pour s'engager derrière Nicolas Sarkozy en vue de 2017. Il vient d'ailleurs d'être désigné par l'ancien président de la République, orateur national en charge des Outre-mer, des réseaux de la diversité et des chrétiens d'Orient pour sa campagne. La fidélité de Patrick Karam à Nicolas Sarkozy n'est pas nouvelle. En 2007 et 2012 déjà, il avait créé des comités de soutien ultramarins aux candidats de la droite d'alors, un engagement qui lui avait valu de devenir délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'Outre-mer sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Mais alors qui pour le remplacer à la tête du CREFOM? C'est la question qui se pose aujourd'hui. Le CREFOM se veut apolitique, raison pour laquelle le socialiste Victorin Lurel, un temps pressenti, ne peut pas lui succéder. En 2015, Patrick Karam avait provisoirement quitté la présidence du CREFOM le temps de la campagne des régionales. C'était alors le Guadeloupéen Jean-Michel Martial qui l'avait remplacé. Célia Cléry. 6h35 sur la première, la suite du journal Cécile Thomas. Aider les enfants 10 à réussir leur scolarité, c'est un défi que relève l'école Saint-Charles à Saint-Paul. Les petits dyslexiques, dyspraxiques, dysorthographiques recevront de l'aide dans leur établissement scolaire. Plus besoin de quitter la classe et d'éventuellement louper une partie des cours pour participer à une séance d'orthophonie, par exemple. Cela est possible grâce à la signature d'une convention entre l'école et le CMPP, le Centre médico-pédagogique et psychique. Tous les niveaux de l'école primaire sont concernés. André Matteo Nifo est pédiatre. Cette convention va nous permettre d'intervenir au niveau de l'école Saint-Charles pour pouvoir assurer des soins aux enfants qui sont porteurs d'un trouble 10 et apporter notre aide technique aux enseignants. L'idée, c'est de pouvoir offrir aux enfants les soins dont ils ont besoin en matière de rééducation, que ce soit en orthophonie, psychomotricité ou neuropsychologie, sur le lieu de l'école, puisque ce sont des soins qui sont répétitifs chaque semaine, ce qui évitera aux enfants de se déplacer sur le CMPP pour les prises en charge et donc un gain de temps pour eux et moins de fatigue probablement. André Matteo Nifo répondait à Hubert Debeux. Un logo pour défendre la volaille pays contre les importations. Une nouvelle identité visuelle pour dire aux consommateurs de préférer la volaille élevée à la Réunion. La filière se porte pas mal mais souhaite faire mieux. Elle met en avant la qualité de ses produits, la traçabilité. Elle s'assure du soutien notamment de restaurateurs pour servir ses produits. Gilles Tesser, restaurateur à Saint-Denis. Par conviction déjà, parce que pour réussir au niveau de sa communauté et puis de son environnement, il est important de travailler avec les commerces de proximité et faire profiter le tissu local économique de cette richesse-là. C'est un des points d'orgue de nos combats, nous restaurateurs, avec les titres de maître restaurateur, avec le titre de restaurateur de France. Et là aujourd'hui, labellisé Volaille Pays, voilà, on est vraiment dans cette voie-là hein, de démarche de qualité. C'est une garantie de fraîcheur, de goût, de traçabilité également, parce que la volaille est élevée avec des aliments naturels. De toute façon, les produits locaux, c'est quelque chose qui a toujours eu une grande place dans votre établissement. Aujourd'hui, vous ne faites qu'officialiser cette place. Il y a toujours eu de la place pour les produits locaux, les produits de qualité. Aujourd'hui, c'est marqué par un label. C'est très important pour rassurer les gens, pour que les gens soient bien en confiance. Le restaurateur Gilles Tesser, interrogé par Nadine Bachelot. Zoom sur vos porte-monnaies avec les prix à la consommation au mois d'août. Selon l'INSEE, il baisse de 0,7% dans le département. Une baisse qui s'explique essentiellement par la diminution des tarifs de transport aérien de voyageurs. Les prix des produits manufacturés, de l'énergie et de l'alimentation diminuent également. Mais sur un an, les prix augmentent de 0,1% à La Réunion et de 0,2% en France. Le Manapani Festival, la 16e édition, aura lieu ce week-end après l'arrêt du surf pour cause de crise requin. Il y a 3 ans, la compétition de bloc d'escalade s'arrête aussi. Place donc au sport de glisse version urban et nature, du BMX, du VTT trial, du roller, du skate et de la trottinette. Je vois que Mickaël est intéressé. Ah oui. Côté culturel, un festival des arts urbains avec du graphe, du breakdance, du beatbox et un plateau artistique dont les têtes d'affiche seront Ziska Khan, Daniel Waro, Sol Jamaica ou encore Graine Semée. Et là, c'est Isabelle Waro qui dit ouais. Oui, madame. Thomas Meignier est le président des Trois Pics, l'association organisatrice du festival. Ce qui va changer, c'est que le bloc nous a fait l'impasse cette année, la compétition d'escalade de bloc. Donc on s'adapte à notre environnement, aux circonstances, et on se redirige vers des sports de glisse urbaine, mais qui sont issus quand même de la culture surf, c'est-à-dire le skate, le roller, le big airbag, le BMX et la trottinette. On a un concours de pêche qui sera mis en avant, et on veut mettre en place un marché artisanal local également pour valoriser le patrimoine local. Le retour aux sources, donc c'est lié vraiment à la grande partie des groupes locaux de Saint-Joseph qui seront présents. Les concerts sont essentiellement l'après-midi. Dans la journée, vous avez, à partir du matin, le samedi, des initiations roller, BMX, trial sur l'espace du parc. Vous avez des compétitions l'après-midi. Le Manapani Festival, c'est ce week-end et sans surprise, c'est à Manapani-les-Bains. Ah, bah ça change pas. Non, ça c'est bien pas. Déjà. Thomas Meigny était interrogé par Pierre Kumourasamy. Merci Cécile. Cécile, à tout à l'heure pour les Unes de la Presse, 6h50. 6h40 sur la première. Les nuages de la nuit se dissipent. Et progressivement. Eh oui, le Barachois va être sous le soleil dans les prochaines minutes, s'il ne l'est pas déjà. La place de l'hôtel de ville de Saint-Pierre aussi. Après ce ciel couvert de la nuit, l'Est aura un petit peu plus de mal, mais globalement, les éclaircies vont venir à tout endroit de l'île. Cet après-midi, les nuages vont s'installer tout de même dans l'intérieur. Les cirques et les plaines seront sous la grisaille, voire le brouillard sur les contreforts du volcan. Et puis, sur le nord-ouest, entre Saint-Denis et Saint-Paul, on devrait, là aussi, avoir un peu plus de nuages qui déborderont sur la côte. Le volcan devrait donc alterner entre nuages et éclaircies et normalement on pourrait voir l'éruption par moment, ça c'est la bonne nouvelle, du vent qui va souffler sur le nord, le sud et l'est, un vent qui se renforcera ce week-end, température toujours aussi fraîche pour cet après-midi avec pas plus de 26 degrés sur le littoral. Prenez la route en toute sécurité avec Total et InfoRoute. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Yves, c'est à vous pour le point route. Ouais, la grande chaloupe depuis cette route du littoral hier soir, donc on avait le premier basculement, c'était un test en fait, hein, donc à la fois pour réaliser le balisage, donc pour les futurs basculements, hein, puisque je rappelle qu'il y a à peu près 250 nuits de basculement au programme entre la possession et la grande chaloupe pour faire passer ces convois exceptionnels sur les voies côté mer, donc vous serez basculé sur les voies côté montagne, et donc normalement, vous savez que le balisage quand il y a la route du littoral, il y a le redoutoir les basculer pour raison de pluie, eh bien c'est c'est la direction régionale des routes, hein, qui s'occupe de ça, donc avec des équipes qui sont prévues et qui sont habituées, sauf qu'hier, donc c'était une entreprise différente donc qui a réalisé ça, donc c'est pour ça qu'il y avait des tests et ça s'est plutôt mal passé semble-t-il, donc que ce soit au niveau du balisage et au débalisage ce matin, circulation donc qui a été compliquée pour ceux qui ont roulé cette nuit, se retrouver dans une pagaille un peu particulière, donc va falloir débriefer et puis remettre tout ça au clair avant de réaliser ces travaux. La circulation en tout cas pour le moment ralentie, sortie tunnel, on est quasi au niveau de la caserne Lambert pour l'entrée ouest, avec un gros trafic qui est en train d'arriver sur la route du littoral en direction du nord. Pas de changement pour l'ouest, c'est toujours sortie de tranchée couverte de Saint-Paul, donc là pas trop de changement sur la fin de la route des Tamarins. Côté entrée est, pas de souci pour le moment, il y a un petit ralentissement autour de la caserne Lambert pour rejoindre le Barachois, donc avant le carrefour avec la rue de la Bourdonnais, pas de souci non plus pour le moment sur le boulevard sud, tranchée et pont Vincennes y compris. Bonne route à tous. InfoRoute vous a été proposé par Total. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Grand matin avec Isabelle Waron et Mickaël Laurette. Et avant 7h, l'appel réveil. On réveille un Réunionnais ou une Réunionnaise dans l'île. Cette fois-ci, ça sera Sergio Grondin qui sera avec nous. Alors, ce week-end, comédien. Ce sont les journées du patrimoine. Auteur, ce week-end, on va pouvoir visiter les musées, les lieux historiques et d'autres endroits de la Réunion. Gratuits, souvent d'ailleurs. Eh bien, on vous proposera une sortie un peu insolite. C'est ça, des visites insolites ce dimanche. Voir les choses autrement, quoi. Ouais. C'est ça. C'est bien aussi, des fois. Bah oui, écoute. On vous expliquera tout ça avant 7h avec Sergio Grondin qui sera avec nous. Ne vous inquiétez pas. Pour l'appel réveil. Les Unes de la Presse arriveront aussi juste avant. Et puis, débarque dans un instant Louane avec Tourne. Mais d'abord, c'est le litchi. Exactement. Et attention, Mickaël, transformation. Transformation du marmaille créole qui s'installe en France. Ça s'appelle le macropolitain. C'est le litchi qu'il a inventé. On l'écoute. À peine Zot enfant la saute la mer pour faire ses études en hexagone, Zot y envisage déjà achète son billet d'avion pour qu'il y retourne en fin d'année. Noël, c'est une fête de famille, m'a besoin que mon garçon les sans moins, et puis il y fera trop pitié tout seul là-bas dans la fraie. Avant d'aller vendre un bout de terrain de l'héritage Pépé pour payer son billet d'avion à près de 2000 euros, laisse-moi expliquer à Zot une affaire. Votre enfant aura passé d'ici décembre 4 mois en Hexagone, et c'est largement suffisant pour le transformer en un macropolitain. Quoi, là encore, ce mot, ça va demander à moi. C'est comme un créopolitain, mais c'est un créopolitain que l'a mal tourné. C'est le genre de moon quand il rentre la Réunion, il gagne pucos créole. Le comble pour un marmaille qui ne savait même pas ce qu'était le subjonctif présent. Excuse-moi grand-père, tu pourrais me répéter ta phrase, je n'ai pas compris ce que tu voulais dire par « son canard les noirs ». Oui, parfois le macropolitain pousse jusqu'à récupérer l'accent de la région dans laquelle il fait ses études. Le summum de la trahison et du ridicule. Mais ce n'est rien par rapport à l'accent pédant qu'adoptent certains. Ah non, mais il n'y a rien à faire en ville ici, qu'est-ce qu'on s'ennuie à mourir quoi ? Il n'y a pas un seul bar lounge digne de ce nom. Je suis content de rentrer, oui, mais je n'ai plus l'habitude de la chaleur, qu'est-ce qui fait chaud ici ? Et pour certains, même la nourriture n'est pas assez bonne. Un Tijac boucané, non mais c'est trop lourd papa, hein, j'ai encore grossir. Ce comportement de traite ne l'empêchera quand même pas de mettre ses profils Facebook et Instagram à jour pour faire envier ses camarades de classe métropolitains. Trop content de rentrer sur l'île, hashtag la Réunion, hashtag il fait beau, hashtag ici c'est l'été. Ouais, hashtag hypocrite, hashtag ingrat surtout. Attends mais je peux même pas mettre mon profil Facebook à jour, le réseau fonctionne pas. Comment la 4G me manque trop quoi. Zoti veut vraiment prendre le risque de récupérer une affaire comme ça dans notre case ? Non mais j'entends déjà les mères qui vont me dire « Non, moi mon petit coq n'est pas comme ça, mais il est sûr que la Réunion il manque à lui et qu'il veut rentrer. » Bon, dans ce cas, avant d'acheter un billet d'avion, faites un test simple. Passe à lui un coup de téléphone et fais cause à lui avec son pépé. Si les deux ils cassent la blague pendant 10 minutes, les bons Zoti peut envisager de ruiner Zot en billet d'avion. Par contre, si pépé dit que son petit-fils y cause comme un présentateur journal Réunion Première, c'est que il a fait une gâtée. Dans ce cas, garde Zot l'argent pour le billet d'avion pour une affaire un peu plus utile, comme un nouveau frigidaire. C'est toujours utile, un nouveau frigidaire. Ça va faire plaisir à Valérie, à Emmanuel et les autres. Merci Letchi. Oh. Retour à 16h50, dans le bon tempo. Du 16 au 25 septembre prochain, Sillaos devient cirque d'inspiration et de création. Exposition, contes, stages artistiques, réalisation d'une BD géante, ateliers, comédie musicale et concerts seront au programme durant ces 10 jours. Suivez tout le programme de la 13e édition du Sillaos Art, organisée par Destination Sud Réunion, en collaboration avec l'Archipel des métiers d'art et la ville de Sillaos, sur Réunion Première, en direct du cirque de Sillaos, les samedis 17 et 24 septembre, ainsi que les mardis 20, mercredi 21 et vendredi 23 septembre. Ôté Thierry, allons à la plage avec nous demain. Ah désolé, je ne peux pas, je dois aller à la CGSS pour aller récupérer mon attestation de carte vitale. Pas besoin de te déplacer. Crée ton compte Amélie et utilise leur service sur amélie.fr. Tu peux imprimer ton attestation de droit, contacter l'assurance maladie par mail, demander ta carte européenne et même télécharger l'appli Amélie. Facile, pratique, plus d'excuses, nous t'en as où. Pensez au compte Amélie, votre espace personnel qui vous rend bien des services. L'assurance maladie. Les 23 et 24 septembre prochains, c'est la 7e édition du Festival Kalubong au Parc des Expositions et des Congrès de Saint-Denis. Retrouvez en concert Morgan Heritage, Kalash, Kiltir, Esther Rada. Et venez découvrir le chanteur haïtien Bitova au basse. Toute la programmation et les infos pratiques sont sur kalubong.re. Je voudrais emmener tous mes amis faire la fête à Miami. Alors il me faudrait les 13 millions d'euros de l'anniversaire loto. Pour les 40 ans de loto, ce vendredi super loto exceptionnel de plus de 13 millions d'euros. À partager au rang 1, voire règlement. FDJ. Jouer avec XC comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Première. Ce matin, vous petit déjeunez avec nous et vous vous embarquez à bord d'une croisière sur la mer au large de Saint-Gilles. En catamaran. Et c'est le dernier jour aujourd'hui avant 8h tirage au sort. Donc il faut vite se dépêcher d'envoyer ces photos de petit déjeuner sur la page Facebook de Grand Matin. Vite, vite. Allez, on continue là. On y va là, avec catapassion et croisière et découverte. Vous gagnez votre croisière ce matin. C'est pour deux personnes et on vous l'offre avec beaucoup de plaisir. Mais bien sûr. Louane, qui arrive. On viendra peut-être avec vous-même. Bonne journée. À vous. Il fait nuit dehors, j'ai besoin d'oxygène encore. À la semaine prochaine, si si le vent te ramène. J'ai pris froid hier, j'ai attendu des heures entières à marcher sur les toits. J'ai tant besoin de toi. Et moi, je sais qu'on se reverra avant l'hiver. À l'amour, à la haine, des envies d'ailleurs, propager le feu dans les cœurs et courir sur les toits. J'ai tant besoin de toi. Je sais qu'on se reverra avant l'hiver. Merci Louane d'être là le matin avec nous. Vous êtes les bienvenus dans Grand Matin et on continue jusqu'à 8h. Mais d'abord, on va s'attacher aux unes de la presse avec Cécile Thomas. Et on commence par Marilène Waraud qui est en une du quotidien. La directrice du Parc National virée par Ségolène Royal, titre le journal, et la réaction de Daniel Gontier. C'est une honte pour le président du Parc National. Pour lui, nous sommes revenus au temps des colonies. Autre titre, suite de l'enquête sur la disparition de Julita Bénard. Sa petite amie a été mise en examen pour assassinat. Devant une école de Saint-Denis, une bagarre entre parents d'élèves tourne mal. L'éruption au volcan toujours active, nuit magique au volcan avec un temps clair. Certains n'hésitent pas à se rapprocher avec ou sans autorisation. Ce week-end, histoire et nature à la découverte du patrimoine. Et puis un malgache interpellé, il voulait faire sauter des avions au nom de Daesh. Ouais, tout beau, tout neuf, le journal de Lille, nouvelle formule. Bien plus qu'un journal, un magazine au jour le jour, écrit Abdoulkadjie en guise d'édito. Avec ce gros titre, Sport et Santé ce matin, le dopage de masse frappe la Réunion. Avec Internet via Maurice, les produits dangereux sont maintenant utilisés par Monsieur Tout-le-Monde, écrit le GIR. 40 ans du loto, qui sera le 34e millionnaire réunionnais, demande le journal. Et puis disparition de Julita Bénard, sa petite amie accusée d'assassinat. Dans la presse nationale, aujourd'hui en France, s'intéresse aux inégalités scolaires. L'échec français, titre le journal. Une étude internationale montre que le système scolaire français, très performant pour les élèves favorisés, est toujours incapable de faire progresser les plus modestes. Et puis autre titre, Sport Pouille, le ch'ti sauveur du tennis français. Un scandale en une du journal Le Monde. Comment les pétroliers écoulent des carburants frelatés en Afrique ? Des navires affrétés par des négociants basés à Genève envoient en Afrique un pétrole de piètre qualité, invendable en Europe. Ce trafic est gravement polluant, écrit Le Monde. Autre titre, la gauche de gouvernement, est toujours accusée de trahison. C'est François Hollande qui le dit. Le chef de l'État a accordé un entretien à l'historien Pierre Nora et au philosophe Marcel Gauchet. Le Monde publie les principaux extraits de ce texte. Un sommet pour tenter de sauver l'Europe en une du Figaro. À Bratislava, les dirigeants d'une Europe en panne et bousculée par la crise migratoire se retrouvent à un sommet pour la première fois sans le Royaume-Uni. Ils entendent faire avancer le dossier d'une défense commune. Autre titre, la France, terre d'accueil des centres de recherche multinationales. Le plein emploi existe, écrit Libération. Et le plein emploi existe, on l'a trouvé au Danemark, précise Libé. Alors que la France se débat toujours dans la loi travail, la situation danoise est tellement florissante avec son modèle social. Et c'est 4,2% de chômeurs qu'elle se pose en modèle. Décryptage d'un miracle, écrit Libé. Un petit titre sur... Excusez-moi Cécile, effectivement. Faut ravitailler Alep, le convoi de l'ONU passera-t-il ? Demande Libé. C'est en Syrie. Et donc du tennis en une de l'équipe. Tout à fait. Esprit Noah, es-tu là ? Demande l'équipe. L'équipe de France dans le doute, avec des joueurs en l'air et d'autres pas du tout. Le quotidien sportif consacre aujourd'hui 6 pages au tennis bleu et puis en rugby, les vérités de Michalak. Merci Cécile, ça sera à lire donc dans l'équipe. À tout à l'heure pour le journal 7h avec Florent Marot. Et la mission chaque matin, oui, à ce moment-là, c'est de réveiller, c'est ça, un Réunionnais ou une Réunionnaise. Le problème, c'est que parfois, ben, ça ne se réveille pas. Mais non, oui. Parfois, c'est une mission qui est plus difficile que d'autres fois. On devait vous parler pourtant de ces visites insolites. Alors, vous savez qu'on visite des monuments, des lieux d'histoire. Oui. Habituellement, on vous raconte plein de détails sur l'histoire. Ça ne vous plaît pas forcément, du genre, en 1790, là, devant vous, le gouverneur, prenez un café. Un café avec une tasse offerte par le colonel. Réel. Ouais, bref, vous en avez un peu marre. Alors, après tout ça, si vous êtes un peu dégoûté de tous ces lieux, eh bien, pourquoi pas changer un tout petit peu. Si vous avez besoin d'une visite, vous avez envie d'un truc qui pulse, qui... Tu vois, avec des surprises, tu t'attends pas, tu vois ouais, pas la visite passer. Vous n'êtes pas tous intéressés par l'histoire. Alors pourquoi pas vous raconter l'histoire autrement ? C'est ça. Eh bien, ce sont les visites insolites qui sont là pour ça ce week-end, notamment à l'hôtel de ville de Saint-Pierre. Sergio Grondin vous y emmènera différemment. Et normalement, il ne sera pas tout seul. Il y aura également Alexis Campos, Lucie Le Renard. C'est grâce à la compagnie Carambolaz et la mairie de Saint-Pierre. On essaye d'avoir Sergio. Sergio, réponds au téléphone là, s'il te plaît. Mais Sergio, il se réveille pas. Bon, ben, ça arrive comme ça. En tout cas, on vous conseille d'aller voir. Hein. Oui, c'est à l'hôtel de ville de Saint-Pierre. Il faut réserver si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas, le 02 62 96 29 10. 96 29 10, c'est gratuit. Imani, don't be so shy. Rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my hips in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right. Myself in your holy water, and both my eyes just got so much brighter, and my soul got, oh, yeah, so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. My cologne, oh bless me Father, don't ask me why, you're right, you're right. Take off my clothes, blow out the fire, don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes and bless me further. Don't ask me why, don't ask me why, don't ask me why. Extrait de la bande originale du film « Sous les jupes des filles » avec Isabelle Adjani et Vanessa Paradis. J'étais joué pas dans le film là, moi. Et Isabelle Ouarau aussi qui aurait pu jouer « Sous les jupes des filles ». Isabelle Ouarau et Imani Imani qui vient de faire un petit tour dans Grand Matin, elle aussi. Merci Imani. Comme tous les matins. Imani, tu peux aussi poster ton petit déjeuner oui. sur la page Facebook Grand Matin. Si tu Nous veux gagner heureux. Des cadeaux. Bien bah sûr. Oui. Kenji Lirac aussi. Oh oui. Dont Isa attend un message depuis. Nous pourrions aller en croisière ensemble années. Sur Catapassion. Ouais, pourquoi pas. Kenji. Ouais, elle te propose aussi un. Fatigue à moi, hein, le Kenji. Car il a pas de cochon. Pourquoi mon pas. Cher Kenji Girac. Mais ça, c'est quand on se connaîtra bien. Voilà, plus tard, plus tard. Bon, voilà. Kenji essaye de devenir... j'ai pas fait un petit truc, quoi, pour Isa. Un petit truc. Un petit... Allez, on va sur les routes. Allez. Vous êtes à l'échangeur de l'éperon, Yves. Allez, bonne nouvelle, nous sommes un petit vendredi. Milieu de viaduc pour le ralentissement, au lieu de prendre de l'ampleur, ça a diminué donc, par rapport à tout à l'heure. Donc ça descend déjà. Alors attention, c'est bien bouché autour de l'échangeur de Belmen, mais moins de difficultés que ce début de semaine. D'ailleurs, même dans les rampes de Plateau Caillou, c'est fluide jusque pratiquement en bas, jusqu'au carrefour Poivre, donc peut-être qui a été mis en fonction avec feu clignotant spécifiquement pour justement éviter donc de trop coincer justement ces rampes de Plateau Caillou. Donc la circulation se faisait également plutôt normalement à hauteur de la chaussée royale à l'extrémité avant d'arriver sur le pont métallique de l'étang de Saint-Paul. Bah, donc ça se passe pas trop mal ici. Des ralentissements quand même, attention, en augmentation sur la route du littoral. Sortie de virage du gouffre, un peu avant les potences, hein, donc pour le début des difficultés, avec un pont Vitsat déjà encombré, la tranchée côté montagne également bien chargée. En fin de tube côté mer, ça c'est pour le boulevard sud. Entrée est, c'est encore roulant. Les difficultés viennent de Sainte-Suzanne et pratiquement jusqu'au plateau de la Mare. Après, c'est encore plutôt roulant. Mais pour le moment, à tout à l'heure. Tout à l'heure, Yves. Il est 7h. C'est l'heure du journal. Florent Marot, bonjour. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. C'était la dernière personne à avoir vu Julita vivante fin juillet. Sa petite amie vient d'être mise en examen pour assassinat. Selon un témoin, elle aurait poussé sa compagne après une violente dispute au gouffre de l'étang Salé. Les prix en baisse à La Réunion, moins 0,7% au mois d'août selon l'INSEE, grâce surtout aux billets d'avion moins chers. En revanche, se garer à Saint-Pierre coûte plus cher depuis hier. Le nouveau plan de stationnement est entré en vigueur, notamment dans l'hypercentre. Reportage dans ce journal. Et puis le Manapani Festival, c'est ce week-end une 16e édition sans surf et sans escalade, mais avec du BMX, du VTT et du skate. On en parle à la fin de cette édition. Mais d'abord, cette bonne nouvelle. À partir du 1er octobre, les colis postaux devraient arriver plus vite dans les boîtes aux lettres du Sud. Le traitement douanier sera en effet recentré sur Saint-Denis dès le mois prochain. Fini Saint-Pierre, tout comme le port il y a 5 ans. Sur les 4 à 5000 colis qui arrivent chaque jour dans l'île, 800 font l'objet d'une taxe et 200 en moyenne étaient à destination du Sud. La Poste estime aujourd'hui que c'est plus simple et donc plus rapide de les traiter dans le chef-lieu. Bruce Régent. Pour la direction de la Poste, c'est dans le sens de l'histoire. Les 200 000 euros investis dans la mécanisation du centre de Saint-Denis vont à la fois permettre de gagner 1 à 2 jours sur l'acheminement des colis et mettre fin à un traitement manuel à Saint-Pierre devenu obsolète, sans parler de la manutention des plus gros paquets, source de pénibilité du travail des postiers. Comme les agents sudistes seront réaffectés sur place, ils sont donc plutôt soulagés, dit la direction. Pour les clients destinataires, peu de changements, une grande majorité des colis échappent encore à la taxation. Il n'y a qu'en cas de facture manquante que ses clients de la Poste devront perdre l'habitude de l'amener sur place. Il faudra l'envoyer par courrier ou mieux par mail. De toute façon, dans ces cas-là, la Poste rappelle qu'elle transmet le document aux douanes et on ne repart jamais directement avec son colis sous le bras. Autant donc s'épargner le déplacement jusqu'à Saint-Denis. Le traitement des colis du Sud à Saint-Denis, ce sera donc à partir du 1er octobre. C'était fin juillet. Julita Bénard disparaît au gouffre de l'étang Salé. Les recherches sur terre et en mer ne donnent rien. Le corps reste introuvable. Seul indice, sa petite amie présente sur les lieux affirme avoir été agressée. Une version qui vient de voler en éclats. Un mois et demi après la disparition, la petite amie vient d'être mise en examen pour assassinat et placée en détention provisoire. Un témoin aurait assisté à une violente dispute entre les deux femmes. Aux assises, un sexagénaire a été condamné hier à 6 ans de prison pour viol. Il avait abusé entre 97 et 98 d'un membre de sa famille, alors âgé de 11 ans. Aujourd'hui, c'est Jean-Alex Boyer qui sera dans le box des accusés. En 2009 à Sainte-Suzanne, il a tué son père et gravement blessé sa concubine. Selon Jean-Alex Boyer, il n'aurait pas porté assistance à sa compagne qui avait fait un malaise. 3 incendies se sont déclarés

Le Manapani Festival est de retour. La 16e édition a lieu ce week-end, mais ce sera sans le surf à cause de la crise requin. Cela fait 3 ans déjà. Mais la compétition de bloc, elle aussi, est annulée. Les organisateurs ont donc dû innover. Il y aura du BMX, du VTT trial, du roller, du skate et de la trottinette. Côté culturel, un festival des arts urbains avec du graff, du breakdance et du beatbox sera proposé au public. Ziska Khan, Daniel Waro, Soul Jamaica ou encore Graines Semées seront également de la partie, tout comme plusieurs artistes de Saint-Joseph. Les précisions du député-maire Patrick Le Breton. Les nouveaux organisateurs ont trouvé à la fois la possibilité de faire un retour aux sources sur le plan culturel, de mettre en avant des sports de glisse, des sports nature, et en même temps d'avoir des projets qui peuvent coller aux projets de territoire. Et merci tout simplement d'avoir reconnu la montée de ces jeunes dans les groupes de Maloya, etc. Et cette année, 60% de l'affichage du plateau artistique et culturel, l'effet de Marmaille Lacour, de prendre deux valeurs du Maloya réunionnais autour de Daniel Waro et Ziska Khan, je crois que c'est un signe fort aussi. Et en même temps, de rester collé avec des groupes extérieurs qui font le déplacement jusqu'à nous gratuitement. Patrick Le Breton, député-maire de Saint-Joseph, au micro, réunion première de Pierre Comoras. Ami, le Manapani Festival, c'est demain et dimanche. C'est la fin de ce journal. Place maintenant à l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de France Info. Des peines qui vont de 2 ans de prison ferme à 6 mois avec sursis pour les 3 frères d'origine marocaine et 1 an et 8 mois de prison avec sursis pour les 2 villageois de Cisco. Ces 5 personnes ont été jugées pendant plus de 12 heures au tribunal correctionnel de Bastia pour leur implication dans cette bagarre. Une bagarre d'une grande violence qui avait marqué les esprits en plein cœur de ces vacances d'été et qui avait nécessité l'intervention de 100 policiers et gendarmes. Nicolas Sarkozy en campagne, le candidat à la primaire de la droite, était l'invité de la nouvelle émission politique sur France 2 hier soir. L'ancien chef de l'État a fait part de ses propositions, comme le service militaire obligatoire pour lutter contre le décrochage scolaire, ou encore sur les questions économiques. Nicolas Sarkozy insiste sur la nécessité de baisser les impôts pour les classes moyennes, ainsi que les charges sur les entreprises. Il a aussi évoqué la suppression de 300 000 postes de fonctionnaires. 32 personnes toujours en garde à vue ce matin à l'issue de la dernière journée de manifestation contre la loi travail, alors qu'entre 78 000 et 170 000 personnes ont manifesté en France, selon les différents chiffres, soit une mobilisation en hausse avant le combat juridique que les syndicats entendent porter contre le texte du gouvernement qui a été promulgué. Au total, depuis le début de l'année 1346 personnes en situation irrégulière ont été reconduites à la frontière depuis la jungle de Calais, c'est ce qu'annonce Bernard Cazeneuve. Le ministre de l'Intérieur indique aussi que l'État cherche à créer 9 000 places dans les centres d'accueil et d'orientation. La crise migratoire. Elle sera au centre aujourd'hui d'un sommet européen à Bratislava en Slovaquie. Un premier sommet européen sans le Royaume-Uni depuis le vote du Brexit. Un sommet qui s'annonce d'ailleurs tendu puisque le Luxembourg, membre fondateur de l'Union Européenne, demande l'exclusion de la Hongrie pour sa gestion très contestée des réfugiés. Ce sommet aura essentiellement pour but de relancer le projet européen dans un climat d'euroscepticisme important. 14 milliards de dollars, soit plus de 12 milliards d'euros, somme record que réclament les États-Unis et la Deutsche Bank. 8 ans après la crise des subprimes, l'amende devrait être négociée à la baisse par la banque. La soirée d'Europa League de foot, hein, partout entre Mayence et Saint-Etienne, l'OGC Nice s'est incliné à l'Alliance Riviera, battu 1-0 par Schalke 04. C'est 7 nouvelles médailles pour la France aux Jeux Paralympiques de Rio. L'or pour Stéphane Houdet, Nicolas Pfeffer en double tennis fauteuil. Un titre aussi pour Romain Noble, Robert Citerne et Yannick Kifebe qui se sont imposés face à la Chine en finale de la compétition d'épée par équipe. L'argent pour Pierre Ferbank en 800 mètres et 4 médailles en bronze, dont une pour Elodie Laurendi sur 400 mètres nage libre. Le début aujourd'hui de la demi-finale de Coupe Davis de tennis entre la France et la Croatie. Voici sans Gaël Monfils et sans Joe Wilfried Tsonga, tous les deux forfaits. Un temps pluvieux pour ce matin, avec des averses importantes hein, qui sont prévues dans le nord du pays. De la pluie aussi pour le sud. Les températures vont évoluer entre 7 et 15 degrés. – 7h13 sur la première. – La météo vous est présentée par Miedao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miedao.fr. – Le soleil est de retour !– Alléluia ! bien. Enfin, tu calcules à la messe ou quoi? Pas trop non plus. Hein. Pas trop non plus. Qu'est-ce hein. qu'il nous fait? Pas trop non plus. Pas trop non plus. Parce qu'en fait, dans l'Est, il y a quand même des nuages. Tu vois, c'est ça le problème. On va pas s'enflammer. Surtout qu'ils ont du mal à se débarrasser là, entre Sainte-Suzanne et Sainte-Rose, de ces nuages bien, bien pesants depuis cette nuit qui ont donné des pluies. Les chaussées sont mouillées encore dans l'Est. Ailleurs, le soleil fait son apparition. Mais soleil frais encore une fois. Hein. On se réveille avec 4 degrés à la plaine des Caf, 9 au volcan, 10 degrés au Maïdo, 19 sur Saint-Gilles. C'est moins frais quand même qu'hier. Cet après-midi, eh bien, les nuages vont s'installer sur le nord-ouest entre Saint-Denis et Saint-Paul, déborder sur le littoral. Là aussi, ça sera gris cet après-midi, ainsi que dans l'intérieur et les plaines. Le volcan, lui, eh bien, sera soumis au passage nuageux, mais on pourra avoir quelques éclaircies. Puis sur le reste du littoral, on gardera un ensoleillement avec du vent, 50 km/h sur le nord et le sud, températures qui seront encore fraîches cet après-midi, toujours en dessous des normales de saison, avec pas plus de 26 degrés sur la côte. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Eh bien, on rejoint Yves Grillet tout de suite. Prenez la route en toute sécurité avec Total et InfoRoute. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Vous êtes sur la route des Colimaçons, Yves. Tout l'échangeur des Colimaçons, le petit village qui se situe s'appelle le Bois de Neuf Colimaçon. Donc, je me trouve sur cette partie basse avant la pointe des Châteaux. Attention sur la partie route nationale, route des plages. Je rappelle que depuis cette semaine, avant-hier, le créneau de dépassement à la sortie de Saint-Leu, donc à partir de la pointe des Châteaux, est supprimé de façon définitive. Hein. Dans 6 semaines, je rappelle qu'on circulera à double sens sur les voies côté montagne. La voie côté mer sera totalement fermée, soumise aux cyclistes uniquement et éventuellement de temps en temps au niveau d'aires de parking pour les grands événements de Saint-Leu, comme celui qui se prépare pour ce week-end, parce que ça y est, c'est à partir de ce matin que démarrent les fêtes de la Salette. Attention aux nombreux piétons qu'on va retrouver. Alors, eux, ils vont partir un peu tout seuls et pas dire leur risque des périls, mais attention donc à ces piétons qui parfois vont marcher depuis le port. J'en ai connu à une certaine époque qui faisait le port Saint-Leu. Donc à pied, hein, donc pour venir au pèlerinage de la Salette. Donc attention à cette contrainte. Et puis il y a le grand pèlerinage qui se déroulera à partir de demain soir 20h30. Là, ce sont les pèlerins de Saint-Louis, 3000 personnes donc le long de la RN1 qui seront le long de cette route nationale. On en reparlera tout à l'heure. En attendant, la circulation plutôt correcte, hein, donc toujours ralenti milieu de viaduc sur la fin de la route des Tamarins. L'échangeur Belmen toujours bien saturé. Ensuite, ça roule dans les rampes. La circulation ralentie au niveau de la ravinage à 1 km après la grande chaloupe en direction du nord. Le pont Vincent encombré. Les tranchées, ça se passe pas trop mal, y compris côté montagne qui était ralenti tout à l'heure. Et puis, ça commence à se densifier un peu partout sur la rentrée est de Saint-Denis, tout comme en fin de 4 voies à Saint-Benoît. InfoRoute vous a été proposé par Total. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. À suivre l'invité de Grand Matin, Luc Gigor, directeur général du Conservatoire Botanique National de Mascar. Pour rendre visite à ma mère, il me faudrait un hélicoptère. Alors pour l'anniversaire loto, j'aimerais bien gagner, s'il vous plaît, les 13 millions d'euros. Si, un peu plus, je prends. Pour les 40 ans de loto, ce vendredi super loto exceptionnel de plus de 13 millions d'euros. À partager au rang 1, voire règlement. FDJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. La ville de Petite-Île présente la journée européenne du patrimoine le samedi 17 septembre de 9h à 17h30. Venez découvrir le patrimoine de la commune dans une chasse au trésor grandeur nature, des ateliers et des concerts. Découvrez les breads comme vous ne les avez jamais vus dans une conférence débat et un concours culinaire. L'après-midi, faites votre marché à l'escale au pays du terroir. La journée européenne du patrimoine à Petite-Île, c'est le 17 septembre 2016 de 9h à 17h30 au centre-ville et dans les quartiers. Première. 7h17 sur la première, c'est l'heure de l'invité de Grand Matin. À suivre sur internet réunion.lapremière.fr et bien sûr sur votre radio. Philippe Dornier nous a rejoint. Bonjour Philippe. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Et ce matin vous recevez Luc Gigor, directeur général du Conservatoire Botanique National de Mascar. Luc Gigor, bonjour. Bonjour. Et joyeux anniversaire puisque le Conservatoire fête ses 30 ans. Vous êtes bien accroché à votre siège de directeur? Oui, je pense, oui. Je demande ça parce que votre homologue du parc national vient d'être viré par Ségolène Royal. Alors, c'est ce qu'on dit, une réaction à cette éviction de Marie-Hélène Waro. Bah, triste. Marie-Hélène est une militante, combattante depuis la première heure. Elle a activement participé à la création du parc national. Donc, un peu comme vous, un peu sous le coup. Il faudra voir. dans les jours qui viennent. En toile de fond de tout ça, il y a évidemment le débat autour du parc national. Marie-Hélène Noirot n'était pas d'accord, on le sait, pour en faire un parc régional, comme le souhaite Didier Robert. Vous en pensez quoi, vous, de cette éventuelle régionalisation du parc? Je pense que ça serait une régression. Parc national est quand même un outil extraordinaire, formidable. Maintenant, il faut peut-être adapter la réglementation, les statuts d'un parc à des spécificités locales. Donc, je pense qu'il faut que tout le monde se mette autour de la table et vraiment aller vers plus de dialogue, de consensus. Le parc national, c'est une chance pour la Réunion. Il risque, ceci dit, d'y avoir une longue période de flottement au niveau du parc national avec les élections, la nomination d'un nouveau directeur risque de traîner. Nos confrères du quotidien disent ce matin que ça risque d'affaiblir le parc, c'est possible? Une fois de plus, je pense qu'il faut que tout le monde se mette autour de la table. C'est l'affaire de tout le monde, de la région, du département, des Réunionnais. Donc, faire en sorte que justement, il n'y ait pas cette fragilisation. Est-ce qu'il faut que ce soit un Réunionnais qui soit à la tête du parc national? Ça aussi, c'est un débat qui va revenir, puisqu'on sait qu'en 2011, il y avait eu du lobbying autour de la candidature de Marie-Hélène Noirot. Qu'est-ce qu'un Réunionnais? Oui, peut-être. Enfin, là-dessus, moi, je pense qu'il faut une personne compétente, à l'écoute, réunionnée ou pas, je vois pas de différence. Alors, on se demande aussi, dans cet article de nos confrères, si ce départ forcé de Marie-Hélène Noirot, c'est pas une contrepartie dans le cadre de la négociation en cours sur la future agence régionale de la biodiversité. À quoi elle va servir, cette agence? Vous serez amené à travailler avec elle. Oui, tout à fait. L'agence régionale pour la biodiversité, c'est une grande chance, puisque la création de l'Agence française pour la biodiversité, elle se fera le 1er janvier 2017 et elle sera déclinée dans les régions par des agences régionales qui seront pilotées par les régions, les départements. Donc je pense que c'est vraiment une opportunité extraordinaire pour que tous les acteurs au service de la biodiversité se mettent ensemble pour une gestion plus efficace. Des acteurs qui ne sont pas assez nombreux alors aujourd'hui, est-ce que ça ne va pas épaissir le millefeuille? Non, je pense que les acteurs sont là, bien implantés. Le conservatoire en est un depuis 30 ans, il y en a beaucoup d'autres. Je pense que ce qui manque, c'est une instance qui permette de mettre du lien entre tous ces acteurs, plus de fluidité, et puis surtout travailler sur la communication. Montrer que la biodiversité, ce n'est pas un coût pour la société et pour les Réunionnais. Au contraire, c'est une immense richesse qui peut être facteur de développement économique sans précédent. Oui, parce que beaucoup de gens pensent, par exemple, que le parc national met des bâtons dans les roues de certains projets. Vous, à votre niveau, comment vous voyez ça? Les projets, je pense que les projets doivent être en cohérence avec ce qu'un parc national impose. On ne peut pas non plus permettre tout et n'importe quoi. Notre biodiversité est fragile, elle a tendance à disparaître malgré tous nos efforts. Et donc, je pense qu'il faut trouver un équilibre. On peut développer les activités dans un parc national tout en étant respectueux de la biodiversité. Et est-ce que cet équilibre-là, ce n'est pas justement en adoptant un schéma plus régional, en donnant plus de possibilités aux acteurs locaux de développer la Réunion tout en respectant le patrimoine? Oui, tout à fait. Mais je pense que ça peut se faire avec un parc national. Maintenant, il est vrai que l'État, à Paris, doit écouter et entendre des spécificités locales. On est toujours confronté à ce problème, que la vision qu'ont les Parisiens et l'État de la Réunion est parfois fausse. Alors vous êtes le patron du Conservatoire botanique de Mascarin, dont les missions ont beaucoup évolué ces dernières années. Surtout, la structure a bien failli disparaître il y a 2 ans. En 2014. On a failli déposer le bilan suite à l'accumulation de dettes sociales très importantes. Il y avait combien de dettes? Le chiffre? 1 million, c'est ça? Pas loin d'un million. Voilà. Comment vous avez fait pour sauver le CBN? Alors, on a réussi grâce à plusieurs mécanismes. D'abord, le département nous a considérablement aidé puisqu'il a repris une partie des activités et donc des salariés, ce qui a permis quand même de diminuer significativement la masse salariale. Vous êtes passé de 43 à 15 salariés. C'est ça. Les 28 qui ont dû partir de votre structure, ils sont allés tous au département. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ce qui s'est passé, c'est que les 28 qui ont été intégrés au département sont ceux qui faisaient de l'animation sur le site des Colimaçons. Et n'est resté dans l'association que l'activité scientifique, qui, elle, se fait principalement en dehors du site des Colimaçons, c'est-à-dire à La Réunion, sur les îles Éparses et à Mayotte. Donc il y a eu un recentrage de nos activités. Et après, il y a eu un très fort travail de lobbying de notre président, Armand Noirot, et moi-même, pour aller convaincre l'ensemble des acteurs de davantage nous soutenir, puisqu'on n'était pas, disons, soutenus de manière équilibrée. Et en particulier, la région et l'Europe, maintenant, nous soutiennent fortement, comme le fait d'ailleurs le département et l'État. Alors, vous êtes chargé de protéger le patrimoine végétal de La Réunion. Concrètement, comment ça se passe? Vous ne pouvez pas être présent partout, évidemment? Alors non, mais on travaille en collaboration avec nos partenaires. On parlait du parc national ou du CEN, du GCEP, enfin du département, etc. Donc, on essaye de faire au mieux. On a à peu près 300 espèces très menacées à La Réunion, à peu près pareil à Mayotte. Donc c'est une lourde tâche. Et on fait de notre mieux. On fait des missions de terrain, d'inventaire, de récolte pour essayer de sauver. Ce qui est en danger d'extinction. On va prendre un exemple très concret. Le chantier de la NRL, pour le lancer, il a fallu faire des études d'impact sur les espèces protégées. Il y a pourtant des associations, des élus qui sont inquiets de les voir disparaître. Qu'est-ce que vous leur dites ? Ben écoutez, en ce qui concerne la route du littoral, pour la flore, aucune espèce protégée n'était directement impactée, puisqu'il n'y a pas, il y a pas d'atteinte à la falaise dans le cadre de ce chantier. Ce sont des effets collatéraux potentiels qui ont été envisagés. Lesquels ? Par exemple, l'éloignement du trait côtier de la falaise, puisque sur la falaise vivent des espèces comme le bois de paillanqueux, qui est une espèce qui résiste à la salinité. Et de fait, d'éloigner le trait de côte diminue la salinité sur la falaise et favorise le développement d'autres espèces exotiques envahissantes. Donc ça, c'est un effet collatéral. Effet négatif. Effet négatif collatéral. Mais il n'y a pas de destruction. Ah, avec un micro, c'est mieux. Direct. Il n'y a pas de destruction directe de plantes menacées. Ceci étant dit, la région a mis en place un très important dispositif de mesures compensatoires et on est marge sur l'une d'elles pour justement mener des actions en faveur de la flore du massif de la montagne. Et pour les projets de carrière, est-ce qu'il y a des risques sur la faune et la flore ? Elles sont menacées ou pas ? Il y a toujours des risques, évidemment. Même si... on dit, on met en place une carrière, tout va être protégé, etc. On sait très bien qu'il va y avoir des poussières, des nuisances. Au-delà des nuisances pour les humains, il y a forcément des nuisances pour la biodiversité autour. Du coup, le conservatoire va donner un avis, va participer à l'enquête publique ou pas ? Alors non, on n'a pas forcément à donner d'avis, puisque nos missions sont inscrites au Code de l'environnement, la loi. L'État nous saisit la plupart du temps en contre-expertise. Donc nous, on attend de nous demander ce type d'expertise ou de contre-expertise. On parlait du Code de l'environnement. Dans vos missions, il y a aussi l'éducation à l'environnement. Mm-hmm. Vous n'intervenez plus dans les écoles comme c'était le cas, puisque cette partie d'éducation à l'environnement a été reprise par le département. Est-ce qu'il n'y a pas une perte là, à ce niveau-là ? Comment on compense ce déficit d'intervention auprès des écoliers ? Bon, c'est clair qu'on a perdu une équipe formidable de médiateurs scientifiques et culturels. Voilà, c'est leur titre. Ceci étant dit, on travaille depuis 2 ans, depuis l'intégration, sur la communication. Donc, on a un chargé de communication. Et donc, l'objectif pour nous, c'est de mieux partager avec les Réunionnais, mais pas seulement, les Mahorais et puis le grand public, nos actions à travers des stratégies de communication et des activités. Mais voilà. Pour les écoliers qui bénéficiaient de vos interventions ? On n'intervient plus directement. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que si la structure a évolué en 2 entités en 2014, on est resté très proche dans la manière de fonctionner. Et le département, d'ailleurs, que je remercie, a vraiment insisté pour qu'on reste sur le site. Il nous héberge gratuitement. Et en fait, pour vous dire, chaque salarié a gardé son propre bureau. Il n'y a pas eu de modification. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est de conserver cet outil avec la partie jardin botanique et la partie conservatoire, mais de fonctionner toujours de la même manière. Autre chose, quand vous travaillez aux aménagements urbains en ville, évidemment, vous favorisez le maintien des plantes indigènes. Comment c'est possible ? En fait, ce n'est pas le maintien. C'est-à-dire que ce qu'on s'est dit il y a quelques années, c'est de dire, mais on plante énormément de plantes, toujours les mêmes, hein, frangipanier, cocotier, etc. On s'est dit, mais pourquoi pas utiliser les plantes indigènes de La Réunion ? Il y en a 1 000 000, on a le choix. Elles sont adaptées. Si on les plante là où il faut, il n'y a pas besoin de les entretenir, les arroser. Ça permet de conserver l'identité paysagère de La Réunion. Si, je ne sais pas si vous allez dans des hôtels partout dans le monde, vous trouvez toujours les mêmes plantes. Et on trouvait dommage de ne pas valoriser. Et aussi parce que ça permettait de dynamiser des filières économiques locales basées sur l'indigène et de faire des filières un peu spécifiques. Donc il y avait tout un tas de raisons qui nous ont encouragés à favoriser l'utilisation d'espèces indigènes dans les aménagements urbains. Un mot pour conclure sur les 30 ans du conservatoire. Il y a eu tout un tas d'animations toute la semaine. Ça se poursuit ce soir et ce week-end. Avec quel programme ? Toute la journée, on fait une découverte de nos métiers sur site, des expositions. Donc au Colimaçon à Saint-Leu ? Au Colimaçon à Saint-Leu, tout à fait. Et grande soirée ce soir. Et enfin, dimanche, la finale avec, pareil, découverte des métiers, des missions. Donc venez nombreux. Toute l'équipe est là pour vous accueillir. Luc Gigor, merci d'avoir été l'invité de Réunion Première ce matin. Très bonne journée et encore bon anniversaire. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous Philippe Dornier. Luc Gigor, directeur général du Conservatoire Botanique National de Mascare. Une interview à retrouver à 13h30. Ah, ce fameux You. Ah, OT. Bon, on l'aura entendu, lui, hein. Ça, c'est la version originale, par contre. Amir, qui est avec nous dans Grand Matin. J'ai cherché. Bienvenue à tous. Bon début de journée avec nous. J'ai cherché un sens à mon existence. J'y ai laissé mon innocence. J'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance. J'ai payé le prix du silence. Je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi, donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur qui dormait là, qui dormait là dans mes bras. Amir, j'ai cherché, mais bon, c'est mieux quand même l'original. Hein. Et vous êtes à Kélonia. Oui Isabelle, avec un trafic correct ici sur cette arène à route des plages. Il y a un peu de monde, mais on est à l'heure d'entrée de classe du collège de la Pointe des Châteaux. Donc il y avait des mouvements de bus, attention à ce niveau, c'est le parti basse de la RD12. Et toujours, comme je vous rappelle, ce chantier qui a démarré cette semaine avec la suppression du créneau de dépassement. Alors pour le moment, il y a eu uniquement le début de ce créneau de dépassement qui est neutralisé. Vous pouvez encore pour le moment doubler sur une partie, mais à terme, ça sera fini. Donc à la fin de ce chantier, la semaine prochaine d'ailleurs, le chantier se fera sur deux zones différentes. Voilà, la bonne nouvelle, c'est descendu en bas de viaduc pour la route des Tamarins. Donc on est à l'échangeur de Belmen pour les ralentissements de ce vendredi. Je vous disais, c'est plutôt calme. C'est même redescendu également sur la route du littoral. Au secteur Potence, par rapport à tout à l'heure, ça va mieux. Circulation ralentie sur le pont Vinsane, avec des tranchées pas trop chargées, et puis l'entrée est en deux parties, des ralentissements qui se font depuis la ravine des Chèvres jusqu'au plateau de la Mare. Après, il y a une petite zone roulante vers Gilot, et ça recoince la ligne droite de la Jamaïque pour entrer sur le front de mer de Saint-Denis. Voilà, ça se passe pas trop mal, ça roule normalement d'ailleurs dans le sud du côté de Mont-Caprice. Bonne route. Et rendez-vous après le journal, 7h31 sur la première. Le journal, Cécile Thomas, bonjour. Bonjour à tous. Non, la colonisation n'est pas un bienfait. Didier Robert revient sur les propos de François Fillon. Le président de la région explique de vive voix pourquoi il lâche l'ancien Premier ministre dans la course à l'Élysée. L'agriculture pays a besoin d'investissements publics. Petit point sur le secteur avec le directeur adjoint de la DAF. Olivier De Genemann a présenté l'agriculture pays à une délégation de sénateurs en visite dans l'île cette semaine. De son côté, la filière volaille pays renforce sa communication avec un nouveau logo. Il faut manger pays, disent les professionnels qui veulent développer leurs activités. Puis nous parlerons santé avec un forum organisé hier à Sainte-Rose. Un forum pour informer les personnes les plus précaires, donc les plus fragiles. Il défend son chantier de nouvelles routes du littoral et les carrières qui vont avec. Didier Robert était l'invité du JT hier soir sur Réunion Première. Pour lui, il faut que des carrières soient exploitées dans l'île. Ce n'est pas pour embêter Thierry Robert à Saint-Leu ou pour favoriser les affaires de Jean-Paul Virapoulet à Saint-André. C'est une nécessité pour le chantier de la nouvelle route du littoral et les autres chantiers de l'île. Le président de région qui est revenu également sur sa décision de soutenir Nicolas Sarkozy pour la primaire de la droite et du centre au détriment de François Fillon. Didier Robert. Lorsque François Fillon est aussi violent dans ses attaques aujourd'hui à l'encontre de Nicolas Sarkozy, c'est d'ores et déjà une vraie rupture qui est marquée dans le cadre de l'Union et je ne peux pas l'accepter. Je me bats ici à La Réunion et partout pour que l'Union de la droite et du centre soit une réalité parce que

témoigne. L'habitation cette année, on l'a reçue à 2600 euros. Cette année, c'est la première fois que je l'ai reçue. La taxe foncière, donc, elle est passée de 60 euros à 2400 euros. Ça me fait 5000 euros. Entre son salaire et sa maison en location, Mnemoi gagne environ 2800 euros par mois. Ce qui lui vaut donc 2000 euros d'impôt sur le revenu. Un paiement qu'il a pu heureusement mensualiser. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pu demander un échéancier sur l'impôt sur le revenu. J'ai échéancié de 200 euros et quelques par mois. Donc, si j'enlève toutes mes charges, crédit immobilier, frais familial, donc il me reste 1400 euros sur mes revenus. Ce qui fait que j'ai 5000 euros sur les pieds que je ne pouvais pas payer et je ne peux pas payer. Voilà. 5000 euros de taxes d'habitation et de taxes foncières que ce propriétaire n'arrive pas à payer. Mnemoi n'est pas un cas isolé. Faut-il alors une dérogation fiscale pour le département le plus pauvre de France? Pas sûr que le fisc l'entende de cette oreille. Un reportage de nos confrères de Mayotte Première. Santé, avant de refermer ce journal avec un forum organisé hier à Sainte-Rose, la maison relais de la commune a invité les personnes les plus précaires à s'intéresser à leur santé. On sait que souvent ces personnes la négligent justement. La CGSS, l'association réunionnaise de prévention des risques liés à la sexualité, SOS Solitude, je vois le désarroi dans les yeux d'Isabelle Ouarau, SOS Solitude, pardon, la Ligue contre le cancer ou encore le SDIS, au total 17 acteurs de santé ou de bien-être étaient là pour les accueillir et les informer. Mélodie Nourry. Voilà. Christine Vidotte est éducatrice spécialisée dans un centre de soins et de prévention en addictologie. Sur son stand, les gens ne font pas que boire ses paroles, ils doivent également participer. C'est très important que quand on intervient auprès d'un public, de favoriser vraiment les échanges d'expériences et de toujours partir finalement de notre connaissance pour venir compléter s'il en a besoin, rectifier aussi des fois parce que le fait que les gens aient la bonne information, il permettra à eux d'avoir un comportement qui est beaucoup plus adapté. À 50 ans, Nadine vit depuis 2 ans dans une maison relais à Saint-Pierre. Si elle-même n'a pas de soucis avec la bouteille, ce n'est pas le cas de certains de ses colocataires. Grâce au conseil de Christine, elle voit désormais les choses sous un autre angle. Quotidiennement, c'est très difficile à vivre, mais peut-être être plus à l'écoute des gens, être moins dans le rejet. Car l'objectif de cette journée pour ce public en difficulté, c'était bien de récolter toutes les informations auprès des acteurs de santé qu'ils ne peuvent pas voir en temps normal pour différentes raisons. Régine, de son côté, ne regrette pas d'avoir fait tout le chemin depuis Bois d'Olive. Ça t'intéresse à moi, c'est le monsieur fait tisane parce que m'en a douleur de dos. Puis là, dans la main, un papier là-dedans pour le cancer. Cancer, diabète. Les participants pouvaient en effet se faire dépister sur place, mais aussi participer à des ateliers de gymnastique ou de sophrologie. C'était un reportage de Mélodie Nourry. Et vous êtes fan de Jean Dujardin, non? Vous pensez que j'ai maillé à cause de ça sur OSS 117? Ah, c'est fait que ça fait un drôle de mélange. Vous savez, c'est pas grave, Cécile, c'est pas grave. Bonne c'est dans nuit, le zapping. Cécile. C'est dans le zapping. Dans le zapping, Jackie. Bon week-end. Bonjour, oui. On pense à toi, Jackie. Bon week-end, Cécile. Merci, vous aussi. On vous retrouve lundi. Grand plaisir. 7h41, Mickaël, on voudrait du soleil, on voudrait plein de températures. Quoi, plein de températures, mais il y en a plein de températures, mais elles sont fraîches. Hein. Pas la fièvre, dans le ciel. Hein, je la fièvre, c'est samedi soir. Ouais, ah. On n'est que vendredi matin. Et alors? Bon, et vendredi matin, il fait frais. Gris. Ah bah il voilà. Fait gris dans l'est. Ailleurs, le ciel est dégagé. Et couche-toi, le soleil va réchauffer samedi. L'atmosphère. Le soleil va réchauffer l'atmosphère et va le réchauffer moyennement, puisqu'on n'aura pas plus de 26 degrés sur le littoral cet après-midi. 13 au volcan, où vous pourrez admirer par moment l'éruption du Piton de la Fournaise, puisque dans l'intérieur de l'île, cet après-midi, ça va être nuageux, tout comme sur le nord-ouest de Saint-Denis à Saint-Paul. Vent présent, mais moins que ce week-end, ce qui va se renforcer ce week-end. 50 km/h sur le nord, le sud et l'est. Un vent présent aussi au volcan, en altitude. Donc vent en renfort cet après-midi, ce week-end, et surtout les températures qui resteront fraîches. Voilà. Pour attendre la semaine prochaine pour avoir un regain de douceur et peut-être même de chaleur. Mais ne crions pas trop fort. N'écrions pas victoire trop tôt. Ouais, c'est mieux. D'accord. Ouf. Faire essayer de faire des phrases dans Cécile. L'ordre. Difficile ce matin. Allez, ça va aller. Oui. T'inquiète. Maille pas, toi. Toute sécurité avec Total et InfoRoute. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Et vous êtes à Saint-Leu. Oui, c'est déjà un peu difficile hein, pour traverser la rue Générale Lambert, puisque si les fêtes restent surtout durant le week-end et la messe lundi, il y a une succession de messes qui se font donc au niveau de l'église de Saint-Leu et beaucoup l'automobiliste arrive du sud, dépose les personnes qui vont à la messe, donc ça s'arrête donc devant l'église régulièrement. Donc forcément, une circulation un peu plus difficile en cette période spécifique de Saint-Leu. Attention à ces contraintes. Donc avec le point d'orgue, je rappelle la déviation qui se fera ici par la rue de la Compagnie des Indes, le Front de Mer dans le sens nord-sud dimanche et lundi, mais également dimanche 25, ce sera la journée du troisième âge, même si les fêtes seront terminées et que la rue haute sera ouverte à partir de mercredi normalement. Voilà en ce qui concerne donc le gros événement également, c'est cette marche donc des pèlerins qui partiront de Saint-Louis demain soir aux alentours de 20h30 pour une arrivée qui va s'étaler entre minuit et demi pour le premier groupe jusqu'à 3h du matin, puisque donc ce sont 60 groupes, quasiment 50 personnes qui vont marcher entre Saint-Louis et Saint-Leu le long de la route des plages, avec également la RN 2001 qui sera fermée entre Le Gaulle et Pont-Mathurin. Attention, ce sera donc demain soir. Alors, en ce qui concerne le trafic, pas de changement, ça roule toujours dans le sud, vous roulez correctement sur la route des Tamarins puisque la circulation est ralentie toujours au niveau de l'échangeur de Belmaine, et encore c'est même maintenant presque à la sortie de l'échangeur de Belmaine. L'entrée ouest aux zones Potence pour les ralentissements, moitié pont Vinsan, donc ça va déjà également mieux à cette entrée par la partie haute, boulevard sud, des tranchées relativement roulantes et une circulation qui se fait toujours avec ses difficultés entre la ravine des Chèvres et essentiellement le plateau de la Mare. Voilà, très bonne route. InfoRoute vous a été proposé par Total. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Grand matin avec Isabelle Waro et Mickaël Laurette. Et sur la route, où que vous soyez à La Réunion, vous balancez vos messages sur le 70 2000, ou même sur Facebook. On salue Floralis qui, elle, fait un petit coucou à son chauffeur routier Samuel. Un petit coucou à son chauffeur routier qu'elle aime à la folie. Oui, à en la plus, folie, écoute à nous, l'écoute Réunion Première tous les matins. Bisous, Samuel. Salut, Samuel. Bisous, salut, Floralis. Salut à Tic Tic qui a posé son petit déjeuner, petit choco ce matin. Tic Tic dans ma boutique. Salut à Marie-Mar, salut à Sassa, à Grégory, tous ceux-là et toutes celles-là ont joué sur la page Facebook. Continuez de jouer. Postez votre petit déj, hein, c'est encore important. Quelques minutes là avant le grand tirage au sort qui vous emmènera direct en croisière sur un catamaran pour deux personnes. Dépêche, dépêche, une photo, petit déjeuner sur Facebook, vite. T'as dit, oh, j'ai l'impression qu'on voyageait, non? C'est vrai? Tu rajoutes un voyage? Tu nous payes les billets d'avion, Isa? Ah bah non. Ah mais je sais pas, je demande. Hein. Tu es comme ça, toi, on te donne le pied, tu prends le carreau. Ah oui, mais tu dis, oh, alors, bah, moi j'ai rêvé pendant un instant. Oh, le bateau vogue sur l'eau. Oh, le bateau, ok. Bon, bah c'est déjà très bien, hein. Avec croisière et découverte, catapassion. Bah oui, c'est catapassion. Vous emmène en croisière, bah oui, bah, forcément. Alors. 7h45 dans toute la Réunion, on revient avec vos petits déj, le zapping de Réunion Première. Oui. Il y a encore de beaux morceaux. Tu m'étonnes. Et puis Connect Première vous parlera des voitures connectées, vous verrez. Voiture sans chauffeur. Intéressant, ça existe. Et d'ici là, c'est Master Bass qui arrive. Dans les étoiles, c'est là qui amène à nous. Mais allons, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Les étoiles que vous n'avez pas beaucoup vues dans l'Est cette nuit, mais bon. Tant vous avez l'habitude, hein. Bah, c'est ce que j'allais dire. On est habitués, nous. Ça m'aime l'Est. Daisy, Master Bass dans les étoiles. Bienvenue. Pour toi, mon cœur fond littéralement. Tes yeux qui brillent ont la pureté d'un diamant. Et si un jour les océans nous importunent, on flottera sur mon embarcation de fortune. Je collectionnerai tes sourires comme des perles. En faire des colliers pour chacun de tes rêves. Je remplirai ta vie de rayons de soleil pour que tu ressentes mon amour même dans ton sommeil. Je ferai de toi la plus belle, des parfums, des robes portées de dentelle. Je ferai rimer ta vie avec ce poème pour te montrer à quel c'est point je toi t'aime. C'est toi que j'ai choisi. fort que moi, je me sens perdu. Comme si le temps d'un coup s'était suspendu. Je suis cette larme sur ton visage, malheureuse, impossible que je l'envisage. Je suis pris dans les vagues et nage à contre-courant. Même quand ça n'ira pas, je me ferai rassurant. J'ai fait une croix sur les erreurs du passé. Pour toi, je serai prêt à me dépasser. Les montagnes, je saurai les déplacer. Ton sourire, je ne pourrai jamais m'enlacer. Et si l'avenir est écrit dans les étoiles, tu as dessiné mon bonheur dans les moindres détails. C'est toi que j'ai choisi, tu es dans ma tête. Au Master Bass, c'est Daisy dans les étoiles sur Première dans Grand Matin. Et on arrive dans quelques secondes. Restez oui. Là, ouais, on revient oui. Pour bouge le zapping pas, et connecte pas. Première. À tout de suite. Vendredi et samedi, One Time avec Roddy Cox. Roddy Cox. L'émission des nouvelles tendances, des nouveaux talents de la rue, nouveautés hip-hop, R&B, dancehall, reggae, trap, interview de malade, ambiance dance floor du début de week-end. Mets-toi bien, bébé. One Time avec Roddy Cox. Roddy Cox. Vendredi et samedi, de 20h à 23h sur Réunion Première. L'info sur Réunion Première en télé, ce sont deux rendez-vous quotidiens. Pascal Soupraïen. Bonjour, voici les titres de l'édition de la mi-journée. Valérie Filin. Bonsoir, il est 19h, merci de votre fidélité. Émilie de Balmann. Bonjour, bienvenue dans votre édition du week-end. Réunion Première, une information sérieuse et vérifiée par des journalistes sur toute l'île. Plus d'une centaine de reportages chaque semaine et des directs. Vos rendez-vous d'information, c'est tous les jours en télé à 12h30 et 19h sur Réunion Première. Première. Et puis courage, si vous êtes dans les embouteillages, depuis la station Engen, la plaine Saint-Paul, jusqu'en bas, rond-point de la grande surface. C'est vrai que c'est souvent bouché dans ce coin-là, mais là encore pire ce matin. Merci Freddy. Freddy qui nous envoie son petit SMS au 70-2000. Alors des voitures sans chauffeur, des bus sans chauffeur, eh bien ça pourrait arriver prochainement, et ça existe déjà. Non. Où ? À Lyon notamment. Non. Et c'est Pascal Rizzo qui nous en parle. Connect Première. Bonjour, il est désormais possible de prendre un taxi sans chauffeur et même un bus sans chauffeur. Des expériences grandeur nature sont actuellement menées dans deux villes, Lyon, en France donc, pour le minibus autonome Navly, et Singapour, à Singapour, pour les taxis là aussi français, puisque ce sont des Renault Zoé qui servent de test. Direction Lyon tout d'abord, où des navettes gratuites proposent désormais à une quinzaine de passagers, dont 11 assis, de parcourir 1,3 km entre deux points précis du centre-ville. Aucune intervention humaine, à part la présence à bord d'un opérateur, au cas où, mais un GPS, plein de caméras pour détecter les obstacles mouvants ou immobiles, et la signalisation, et des systèmes de détection laser pour tout mesurer. Bien sûr, beaucoup d'intelligence artificielle avec deep learning pour gérer le tout et adapter la trajectoire de la navette avec une précision de 2 cm en fonction de ses conditions de circulation. Deux minibus de ce type se relient donc en journée toutes les 10 minutes à la vitesse de 20 km/h sur ce parcours. À Singapour, les taxis autonomes de Nutonomy sont des Renault modifiés pour embarquer autant, voire même plus, de ces capteurs, caméras et logiciels d'intelligence artificielle que dans le cadre du minibus de Lyon. Ces taxis-robots sont également gratuits en période de test. L'opération vient de commencer sur un parcours fermé, mais il sera bientôt possible de choisir son adresse située dans le quartier d'affaires de la capitale asiatique. Un ingénieur va rester à bord du véhicule pendant la période des tests. En cas de problème, il pourra là aussi reprendre le volant et les pédales. Nutonomy prévoit la généralisation des taxis-robots dès 2018, suite à une étude du MIT qui affirme que 300 000 de ces taxis-robots pourraient remplacer plus efficacement les 780 000 taxis humains qui sillonnent et embouchonnent les rues de la ville. Au moins, ça le mérite d'être clair et sans détour. Eh oui, taximan non plus n'est pas un métier d'avenir. Belle journée. Alors l'avantage de prendre une voiture sans chauffeur, c'est que ce matin, par exemple, Freddy et les autres qui sont dans l'embouteillage depuis la plaine Saint-Paul, ils pourraient faire la sieste en écoutant Réunion Première. Oh, je sais pas si dans ta voiture sans chauffeur, tu te permets quand même de faire la sieste. Faut avoir confiance. Oh, je sais pas. Garderais quand même un petit œil ouvert, on sait. Les avions sont bien pilotés automatiquement, pourquoi pas les voitures. Oui, mais Naemoun. Oui, c'est vrai. Quand même. Mais il peut s'endormir par moment. Oui, mais Naemoun quand même. Oui, il y a toujours le copilote. C'est pas pareil, il rentre pas là. C'est vrai. Hein. Qui veut gagner ses places pour ce film, War Dogs ? À présent, une question qui n'a toujours pas de réponse claire. Comment deux jeunes d'une vingtaine d'années ont-ils pu conclure un contrat de 300 millions de dollars avec le Pentagone ? J'ai une super idée. On nous appelle des chiens de guerre. Des charognards qui font du fric grâce à la guerre sans jamais mettre un pied sur un champ de bataille. C'était péjoratif, mais nous, on a trouvé ça cool. Excusez-moi, c'est une urgence. Pardon, je vous passe devant, je suis américain. Le film est à gagner ce matin sur Facebook. Vous avez envoyé vos petits déjeuners, hein, comme d'habitude. Oui, au thé. Et c'est qui a gagné ? Ah, c'est qui ? C'est qui ? Ah, j'aimais bien, moi. J'aimais bien son prénom depuis le début de semaine. Cette fameuse série. Marie. C'est fini, d'ailleurs. Hein. C'est fini, hein. Et une négustato. Oui, bien c'est sûr. Oui, c'est vieux déjà. Ah oui, c'est fini. Hein. Enfin, bon. Tu peux peut-être trouver une chaîne qui rediffuse quelque bien part sûr, dans le monde. Bien hein. sûr. Sûrement, mais. Marimar a gagné ce matin. C'est deux places de cinéma. Bravo, Marimar. Oui, félicitations. Ne vous inquiétez pas, on va vous passer un petit coup de fil pour tout vous expliquer. Et vous expliquer surtout comment récupérer vos invitations donc pour le cinéma. Des invites valables dans toutes les salles du réseau Moréfilm. Multiplex Ciné Cambé de Saint-Paul, Ciné La Case de Saint-Denis ou Plaza de Saint-Louis. Mais tu sais, Isabelle, on a encore un cadeau à offrir. C'est on a ça. Encore un vrai cadeau à offrir et on va vous l'offrir maintenant. C'est ça. Enfin, les places de ciné, c'est un vrai cadeau. Bien mais sûr. Là, c'est un vrai de chez vrai, de c'est chez vrai cadeau. C'est le résultat du tirage au sort. C'est ça. Un croisière comme ça avec un catamaran. Il y a quelqu'un qui conduit, hein, vous inquiétez pas. Quand tu fais ça avec tes bras comme ça, personne ne le voit. Je veux dire qu'on vogue. Croisière sur l'eau. Comme ça. Oh mon bateau bon. Oh, voilà, c'est ce que vous allez gagner, une tout croisière. Tout est le plus beau de tous les bateaux. Bon, on va vite vous la faire gagner parce qu'il faut vraiment qu'on aille en week-end, là, je le sens. Croisière pour deux personnes oh, à gagner yes. maintenant à bord du Catapassion. Et oui, et c'est Catafantastique. Voilà, ça. Elle est contente, elle l'a dit au moins une dernière fois. Avec Croisière et Découverte, on appelle chez vous. C'est parti. Alors. Allez. Allô ? Ah bah non, pas encore, il faut que ça sonne, pas Isa. Pas encore, d'accord. Faut que ça sonne. J'ai bon. Hâte, mais ça sonne pas, on dirait. Bah, ça sonne, ça va sonner, voilà. C'est la magie du direct. Je m'emballe. Ça sonne chez vous. Bon. Ne vous emballez pas trop, tout le monde. Peut-être que c'est chez vous que ça appelle en Réponde. Ce moment. Ça appelle chez Grégory. Oh. Grégory, il faut répondre maintenant. Vite. Grégory. Là, c'est le jour où il dort, en fait. Non, Grégory. Allô ? Allô, Grégory ? Oui. Grégory ? À la dernière sonnerie. Hein. Oh, c'est Isabelle et Mickaël. Comment ça va ? Ça va, Greg ? Ça va ! Greg, tu sais pourquoi on t'appelle ? Oui, c'est pour le jeu. Oui, ouais. Mais Greg, encore ? T'es libre ce week-end ? Ce week-end, désolé, je travaille. C'est pas grave, t'es libre le week-end prochain ? Le week-end prochain, oui. Ah bah, c'est tombe bien, ça. Alors, c'est pas pour sortir avec moi ou Isabelle. Hein. Non. Mais par contre, on t'offre la croisière avec la personne de ton choix. Eh c'est gagné. Oui, Réunion Première. Merci. Et Croisière et Découverte vous offre votre croisière à bord de Catapassion. C'est pour vous. C'est pour toi, Grégory. Merci beaucoup à toute l'équipe. Eh ben de rien. Et Greg, t'es dans ton ambulance, là ? Oui, je suis dans mon ambulance, oui. Bon, ben écoute, passe une bonne journée, travaille bien ce week-end. Et tu sais que le week-end prochain, maintenant, tu vas en croisière. C'est ça. Au Mambato, oh, oh, oh. Tout est le plus beau de tous les bateaux. C'est pour toi, Greg. J'ai tiré d'autres photos, j'en voulais. Ah oui, on sur espère. Facebook, sur la page Facebook. Il n'y a pas de souci. Ok. Allez, bisous. Okay. Allez, salut. Salut. Bye Greg. Bye, Greg. On passe au zapping. Oui, OT. Jean-Claude Machir, au cœur de l'actualité. Ah. Des débats parfois houleux. Et puis, Claudio, le soir, comment dire ? Bah, on se lâche. Déjà, comprendre. Écouter. Parce qu'il y en a qui regardent, qui ne voient pas. Jean-Claude, attends là-haut, est-ce que vous la rentre dans le colon géant ? Il sera dans le colon géant aux alentours de 11h45. Ça va. Allez, big up dans toutes. Mashup, mashup, aïe à level. Wesh gros, bam, da tête. Bonjour Fred, Fred Le Gros. Bonjour Bruno. David. David. Reste bien attentif les gars. Je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas trop pousser. Découvrez les breads comme vous ne les avez jamais vus. Bread coup de pète. Moi je sais, j'ai fait des études ensemble. On travaille beaucoup en constatation, mais on n'en parle pas beaucoup. Ça s'entend, d'ailleurs, ça se voit. D'ailleurs... Comment ? Je vais vous remercier parce qu'il y a quand même 800 pour que Soubdioré s'ouvre. Jean-Bernard Caropaille, on relance pas le débat. Merci à tous les deux d'être venus débattre de ce projet de carrière de Bois Blanc. Lilian Rayac. Les monstres gentils, oui c'est un paradis. Non, ils mettent des strings. Des ? Des strings. Aïe. Bon. Aïe. C'est aïe ça ? Fin de ce magazine. On se retrouve la semaine prochaine. Veluma, Kwaheri. Aïe. Bonjour Jackie. Bonjour. Il y a du bon. Salut Jackie. Salut, ça va très bien, ça toi-même, ça va bien? Ça va, tranquille. Super. Oui. Alors, Mimette a certain petit peu sur la voix. Entre 8h et 9h, on va parler de quelque chose qu'elle a eu beaucoup ce matin. Des canons. Des canons. Il y en a eu à l'orange, il y en a eu en civet, aux olives, ou encore fumé, confit. On parle du canard aujourd'hui avec Alix Klein, restaurateur à Saint-Denis. Donc, Demoun va partager également avec nous comment on tient un canard. On aura Radio Ménage, on aura l'astuce. Ah, il y a tout ça alors. On aura mythes et réalités des souvenirs. Le retour de Jackie dans la colle Jacques entre 8h et 10h. Et pour écouter les canards de grand matin, les déguster, ça sera lundi dans le zapping. Exactement. Jackie, il est content là. Tu m'étonnes. Il passe une super journée grâce à nous parce qu'il a un super zapping pour lundi. Allez, à lundi, Mickaël. Merci, Jackie. Bon week-end à Réunion. Salut. Bisous à tous. Yves, vous êtes au portail à Saint-Leu. Oui, ça roule ici au niveau de cet échangeur. Ça roule sur la route des Tamaras, ça roule même à Saint-Paul. Et ça y est, c'est trafic dense, mais il n'y a plus de bouchons en bas de la descente du viaduc. Ça roulait dans les rampes de Plateau Caillou. Attention, il y a un peu de monde de la Fleurimont pour descendre de la D8, donc qui arrive de Guillaume notamment. Et puis un peu de, alors surtout du ralentissement signalé depuis la plaine Saint-Paul, la partie basse donc de la plaine Saint-Paul avant le carrefour du lycée Saint-Paul 4 et jusqu'à Savannah, donc circulation chargée pour descendre vers Savannah, mais sans qu'il y ait vraiment quelque chose, on n'a pas eu d'explication, hein, donc si c'était remonté un peu plus que d'habitude. La circulation ralentit à hauteur des Potences à l'entrée ouest, Vinsane moitié chargée, les tranchées également, une entrée est en avec deux zones de ralentissement, de Ravine des Chèvres jusqu'au plateau de la Mare, il y a une petite zone roulante vers le stade Jean-Yves notamment, puis après ça recoince un petit peu vers le front de mer de Saint-Denis. Attention, voilà, donc ça se passe pas trop mal ce matin. Rendez-vous dans 15 minutes Yves, il est 8h. Le journal de la rédaction est présenté par Florent Marot. Bonjour Florent. Bonjour Jackie, bonjour à tous. Le dopage à La Réunion, on en parle cette semaine. Deux spécialistes sont dans l'île, actuellement invités par la direction de la jeunesse et des sports. Julita Bénard a-t-elle été tuée par sa petite amie? La jeune femme vient en tout cas d'être mise en examen pour assassinat. Un témoin aurait assisté à une violente dispute entre les deux femmes un peu avant la disparition de Julita. Bonne nouvelle, à partir du 1er octobre, les colis devraient arriver plus vite dans les boîtes aux lettres du Sud. Le traitement douanier sera recentré sur Saint-Denis dès le mois prochain. Et puis, le 16e Manapani Festival démarre demain au programme VTT, BMX et Skate. Les organisateurs qui espèrent tout de même le retour prochain du surf. Réaction à la fin de cette édition. Ils sont deux spécialistes de la lutte contre le dopage en visite à La Réunion depuis hier. L'un est lieutenant-colonel de gendarmerie, l'autre est professeur de sport et ils travaillent tous les deux à l'Office central de lutte contre les atteintes à la santé publique. Invités par la direction de la jeunesse et des sports, ils rencontrent tous les acteurs locaux du sport. Les précisions de Bruce Régent. Derrière le Grand Raid, la course la plus contrôlée, les événements sportifs à La Réunion se comptent chaque année par centaines, mais l'agence réunionnaise de lutte antidopage n'est composée que d'une quinzaine de personnes qui ne peuvent pas être partout. Et à La Réunion, les contrôles coûtent jusqu'à deux fois plus cher que dans l'Hexagone, car il faut y envoyer les prélèvements dans de bonnes conditions de conservation et de sécurité. Ne rien perdre, ni intervertir en route. Le message des deux spécialistes à tous les responsables de ligues et de comités sportifs est donc double. S'ils constatent du dopage sans le signaler, ils peuvent en être responsables.